au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie. Faut croire que c'est le prix de l'infortune, que parfois les rêves importunent quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Et qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter. Le chant. Sur le tableau, pourtant le soleil brille bien, tout est cool et tout est beau. Pour ce voyage découverte, aujourd'hui j'accueille en cabine VIP un passager très spécial. De nuit, de jour, nous avons partagé bien des kilomètres avec des montées d'adrénaline assez puissantes pour nous rendre sur les lieux bien spécifiques et stressants. Moi, au volant, et lui en passager. C'est un homme de terrain, d'observation, capable en un éclair de déclencher et de graver à tout jamais l'image mémoire d'un accident, d'un incendie, tout en restant discret et respectueux. Aujourd'hui, il embarque son sac et ses boîtiers à bord du vol numéro 11 pour nous présenter sa passion, nous faire vivre ses expériences et nous conter un vécu bien rempli. L'œil toujours aux aguets, prêt à déclencher. Bonjour Thierry. Salut Didier, comment ça va? Je suis bien content de te retrouver en tous les cas, ça me fait plaisir. Eh bien écoute Thierry, moi ça va, il n'y a pas de souci. Je suis bien là où je suis, ça me fait très plaisir également de te recevoir avec ces plus de 30 années de connaissances et de camaraderie dans le métier de la photo. Donc comme je disais, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans et nous avons partagé un art en commun qui est la photographie. Chacun dans son registre du reportage, mais dans des univers différents. En quelques mots, peux-tu nous en dire plus? Je sais que tu es très bavard, mais en quelques mots, peux-tu nous en dire plus sur notre rencontre? Et bien sûr, après, sur tes reportages, notamment l'approche de ton travail au cœur des métiers de l'urgence, sapeur-pompier, SAMU. Donc, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous donner notre rencontre, il y a ça, de 93, 94, quelque chose comme ça? Oui, à peu près. Et puis en plus, je voulais te dire que bon, notre rencontre a assez bien passé parce qu'on s'est rencontrés un peu par hasard avec, on va faire juste une petite parenthèse, la CIBI, mais il y a eu pas mal on de choses. On en parlera dans une prochaine émission. Voilà, on en parlera dans une autre émission, mais il y a eu pas mal de choses qui nous ont permis de nous rencontrer à plusieurs reprises. Donc apparemment aussi, tu sais, quand tu faisais des transports humanitaires, etc. Donc beaucoup de choses comme ça. Et puis moi après, donc j'ai été amené à faire un peu mon chemin de mon côté en passant par justement, comme tu dis, les secours. J'ai travaillé avec le département du Loiret, les sapeurs-pompiers d'Orléans et toute la région, enfin c'est-à-dire toutes les casernes alentour d'Orléans, Saint-Jean-de-Bref, Fleury, Saint-Jean-de-l'Arvel. Et de là est partie, si tu veux, une collaboration importante avec eux. C'est-à-dire que on m'a donné une carte qui m'a permis de pouvoir aller sur les interventions, sur les incendies, sur les accidents de la route. Voilà, on va le déployer un petit peu plus dans la première partie, parce que tu sais, on a trois parties, hein. On a ta partie de ton tes anciens reportages, celui qui te tient toujours à cœur dont tu m'as parlé du côté de par là-bas, et puis le dernier sur lequel tu vas nous présenter, dont tu m'as apporté un super beau livre là qui est fait par une personne qui est avec nous dans les studios. Bonjour Joël. Bonjour Didier. Voilà, Joël est un petit peu timide parce que pour Joël, c'est sa première. Hein. Donc il faut toujours une première. Voilà, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun voilà, souci. On te passera le micro de temps en temps, bien évidemment. Tu es là aussi pour parler de ce que tu fais à côté de Thierry. Donc Thierry, ben, est-ce que tu peux nous parler, tu vois, un petit quart d'heure, 20 minutes, pour nous parler un petit peu de ce que tu faisais par rapport aux pompiers, SAMU, police, gendarmerie? Alors bon bah écoute pour donc comme je t'expliquais au début de l'intention de la carte que j'ai obtenue donc eh ben écoute je partais dès qu'il y avait un accident important des choses bien particulières à les traiter ben écoute je prenais mon sac photo et je partais à l'époque avec un bah t'en fais partie des chauffeurs parce que je ne conduis pas donc les gens m'amenaient sur l'intervention et de là bah j'établissais un reportage classique sur l'événement, que ce soit incendie, accident, n'importe quoi, et de là les photos servaient ensuite, si tu veux, à argumenter les calendriers, les documentations, la revue du sapeur-pompier départemental, etc. Et donc je passais avec un capitaine que je salue d'ailleurs s'il est à l'écoute, c'est le capitaine Salier qui m'aidait beaucoup. On faisait le livre ensemble et on traitait donc divers sujets sur les interventions. Donc et moi lui faisait les papiers, moi j'argumentais le document avec mes images. Voilà. Et puis après, bon, si tu veux, on a déplacé les choses vers les calendriers. On a fait beaucoup de choses. Et après, j'ai été amené, si tu veux, à continuer. Enfin, c'est pas si moi je veux. Moi, je le sais. C'est surtout nos auditeurs. Non, mais je sais. Mais je te parle parce que oui, comme on a tellement l'habitude de se côtoyer, d'avoir quand même travaillé d'échanger, ensemble. Ouais. Voilà. Donc, et d'avoir échangé. Ce que je voulais te dire, c'est qu'après, donc, j'ai continué ma route vers le SAMU. Je montais des gardes ponctuelles les week-ends et de là bah c'est pareil et c'était bien parce que là je partais j'avais carte verte complète parce que là ils me laissaient faire ce que je voulais et comme tu l'as je me permets de te dire ça parce que tu l'as précisé tout à l'heure c'est vrai qu'ils appréciaient mon travail pour la discrétion parce que quand on fait ce genre de photos il faut s'effacer rester humain, placer les bonnes images sans être un peu gore, hein, il faut être voyeuriste dans l'histoire. Et puis mes photos ont servi à faire entre autres une plaquette pour le SAMU. Je partais en primaire aussi en hélicoptère, je faisais beaucoup de choses comme ça. C'est quoi le primaire pour un auditeur? Alors le primaire, je partais en primaire parce que je parle encore, tu vois, j'ai gardé les déformations professionnelles. Donc le primaire, c'est sur un si tu veux, c'est un accident ultra grave, c'est ce qu'on appelle là où on a vraiment besoin de secours. C'est là où on envoie ce qu'on appelle chez nous, là, on appelait comment la cavalerie, c'est-à-dire on envoyait un VSR, on envoyait un VSAB, on envoyait un SAMU léger. Voilà, les véhicules d'intervention, transport blessé, désincarcération. Voilà, tout à fait. Et puis là, ce qu'on appelait donc un primaire, c'est qu'on envoyait du monde. Voilà, puis, quand tu avais, admettons, un infarctus du myocarde, qu'une ambulance pouvait pas y aller, ou c'était très urgent, ou sur les accidents sur les autoroutes, qu'il fallait évacuer très rapidement dans les hôpitaux proches. Ça, c'était du primaire. Donc tu partais, tu montais à bord de cet hélico qui était blanc à l'époque, hein, de mémoire, parce qu'on en a fait quelques-uns ensemble. Ouais. Et de là, tu faisais le primaire. Et pour le secondaire, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs? Donc le secondaire, c'était autre, donc c'était déjà moins grave, malgré qu'il y a une intervention, si vous voulez. Mais le secondaire, c'est qu'on partait donc soit avec un chauffeur, moi c'était mon cas, et donc là je partais et donc je suivais l'intervention. Par les moyens du sol et donc là pareil j'exécutais par rapport à l'intervention je faisais les images par rapport à l'intervention quoi ce qu'il y avait à prendre donc le secondaire c'est plus le transport d'un lieu médical à un autre d'un hôpital à une clinique tout pour à fait. Une opération ou pour un suivi ou parce qu'il n'y a plus de place et on transporte le blessé qui est pas une jambe cassée quoi je veux dire c'est la maladie ou le problème qui est un petit peu plus important pour gagner du temps on transporte on les voit souvent d'ailleurs passer de la source à Saran là en Orléans on cherchait le nom voilà on voit souvent ce type de vol qui a un coût mais qui est des fois bien utile et obligatoire ou alors de passer pour aller comme je le disais c'était pas de l'intervention directe d'urgence mais c'était de l'intervention quand même de transport assez un peu plus bénin voilà un tout petit peu plus bénin Voilà, donc là, tu leur faisais tout le reportage, et moi, j'ai eu l'occasion, et le plaisir, entre autres, mais l'occasion de te piloter assez souvent, même de jour, de nuit, on s'appelait. Tu peux nous dire comment tu étais informé de ces interventions? Alors, tu avais des appels téléphoniques, il n'y avait pas le portable à cette époque-là. Voilà, on est passé par le téléphone normal, tu étais déclenché, tu pouvais être déclenché par des pompiers, par le SAMU, et puis des fois, tu étais déclenché aussi par une autre service d'écoute, je crois. Oui. Alors, on va détailler puisque tu me parles du problème. Donc, en fait, si tu veux, il y avait plusieurs solutions. Le téléphone, oui, les pompiers, en premier lieu. En deuxième lieu, le SAMU, quand j'étais en SAMU. Mais le SAMU, l'avantage, c'est comme j'étais sur place, quand tout le monde était déployé, j'étais déployé avec eux. Donc, il n'y avait pas de problème, je décalais avec eux. Décaler, ça veut dire partir. Hein, voilà. Pour l'origine du décalage, c'était à l'époque des ambulances à chevaux. Voilà. Décaler, c'était enlever le petit sabot qui empêchait la charrette d'avancer. On décalait. Donc on a enlevé la charrette et on pouvait décaler le transport. Voilà, il y avait ça. Et puis en dernier recours, on avait la CBI, mais on avait aussi ce qu'on appelle le scanner. Oui, le fameux scanner. Le scanner où on était à l'écoute en permanence et on écoutait ce qui se passait. Et quelquefois, j'arrivais à te déclencher ou déclencher d'autres personnes en disant « Attends, là, il y a un truc qui se passe, on va anticiper, on va y aller. » Donc je t'appelais ou j'appelais une autre personne ou quelquefois… Non, parce que j'avais à l'époque, une association, on est monté jusqu'à 80 opérateurs, opératrices sur le département. Et suivant les besoins au plus près et les disponibilités, j'appelais mes collègues et on se levait, je me rappelle, de jour comme de nuit et on partait. Alors nous, on avait, à l'époque, on avait un petit gyrophare orange. On était tolérés. Et comme on avait l'avantage, mais j'en parlerai dans une prochaine émission, on avait l'avantage d'avoir la CBI et d'être reconnu en tant qu'association d'alerte et de secours. On a même été un beaucoup plus loin, mais ça sera le détail de notre intervention plus tard. Et on était sur les lieux et on pouvait aider lors de gros accidents, à aider la DDE à l'époque à faire du délestage avec les pompiers, gendarmerie, enfin pompiers, mais surtout police nationale et gendarmerie et la DDE pour faire des délestages pour les semi-remorques, notamment sur des gros accidents sur autoroute ou pas. Et nous, ça nous permettait, avec notre CBI, le premier réseau social, de pouvoir donner les informations sur les canaux autres que le canal d'urgence et de donner l'information pour le délestage, surtout pour les routiers. Vos appels, on peut le dire, hein, à l'ESU. Hein? L'ESU. Oui, à l'époque, oui, l'association s'appelait Équipe Secours Urgence. Voilà, ça, exactement. J'ai mis 9 mois à me faire reconnaître au niveau des autorités. Mais après, je travaillais en partenariat, on peut dire. Voilà. Mais ça sera l'objet d'une prochaine émission que je suis en train de préparer avec une intervention de personnes qui ont connu ces moyens de communication, de loisirs et d'utilité et d'assistance. Voilà. Et écoute, on a parlé un petit peu de tout ce qui était donc l'origine de la photo, mais tu étais à cette époque-là, tu étais professionnel ou tu étais amateur averti ou amateur passionné? Alors, amateur averti passionné. Là, d'accord. Je prends les langages. Après, je suis passé professionnel. Est-ce que tu avais un autre métier à côté, effectivement? Bien plus tard. Oui, tout à fait. J'avais un autre métier que j'ai gardé d'ailleurs. Jusqu'à la retraite. 43 ans de métier. D'accord. On ne dira pas où ni quoi. On ne va pas faire de publicité. Mais on va pas faire là-haut. On se rencontrait de temps en temps là-haut d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui m'empêchait pas pendant que je travaillais, de pouvoir, avec mon emploi du temps, d'avoir de la liberté pour pouvoir faire aller sur les interventions. Il y a qu'un point de détail qu'on n'a pas ouvert, mais qu'on ouvrira après, parce que là, pour l'instant, donc on est tout à fait dans les temps. Comme je sais que t'es bavard, je vais te garder un petit peu de temps. Tu vois, on parlera un petit peu aussi d'autres personnes avec qui tu travaillais, notamment sur le local, et on y a passé quelques heures aussi ensemble. Je vais peut-être te remémorer ça parce que tu n'en as pas parlé et ça m'étonne de toi. Mais enfin, ceci étant dit, je vais passer un petit morceau donc de notre ami Grégoire. Tout ce que l'on dit et souvent des fois ce que l'on ne dit pas. Ouais. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit et qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste un peu de courage, prendre son destin en main, apprendre à oublier et à tourner la page. Il suffirait de rien, comme il dit, juste un signe, rien qu'une aube un matin, et décider enfin d'écrire ses propres lignes. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne lance pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste la résilience, n'avoir plus peur de rien, bousculer son confort et prendre un peu le risque de provoquer la chance. Il suffirait de rien, au juste de choisir, ne plus remettre à demain, on ne change pas le passé, ce qui est fait est fait, mais on écrit l'avenir. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne lance pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a trop de routes que l'on ne prend pas, il y a trop de doutes que l'on garde en soi, il y a trop de choses que l'on n'ose pas, trop de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne lance pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Ah, tant de choses que l'on ne dit pas. Très belle chanson. Ouais, très belle chanson de notre ami Grégoire. Il y a une petite chose qu'on a omis de dire tout à l'heure et que me l'a rappelé Joël en off, c'est que Thierry était très discret dans les photos qu'il faisait, surtout quand il y avait des victimes encore à bord pendant le travail de désincarcération. Des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas faciles à photographier d'une part, parce que je connais un petit peu le milieu aussi en étant donc photographe et en ayant aussi fait des photos à discrétion. Et donc ces photos n'étaient pas reproduites sur dans les photos, ou alors si jamais par hasard ça pouvait arriver que voilà, cette photo n'était pas publiée, ne restait pas dans les archives, elles étaient souvent détruites, enfin souvent elles étaient, pour ainsi dire, détruites. Je pense que c'est ça, Thierry, que tu voulais me dire. Alors, pas détruites, parce que moi je fais une confidence, hein, je le cache pas, j'ai gardé toutes mes archives, hein, parce que je suis quand même propriétaire de mes droits d'image. Bien sûr. Et donc ces photos-là, d'ailleurs, sont dans une valise à la maison, et donc je ne les sors plus, parce que pour moi j'ai fermé la porte de ce bien sujet. Sûr, oui, et donc ils sont toujours présentes, mais je les ai même surtout dans ma tête, parce que il y a des images qui restent. Ah, il y a des images, on peut pas les oublier. Ouais, j'en ai quelques-unes avec toi. Voilà, donc donc par rapport à ça, si tu veux, oui, il y avait un grand respect de ça, c'est-à-dire qu'on respectait beaucoup l'humain, parce que un accident, c'est toujours la bêtise humaine, comme je dis toujours moi. Et puis, oui, l'incident, mais bon, c'est toujours. Et c'est toujours délicat de. Mais j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. C'est ça qui était bien, parce que justement les gens me faisaient confiance. La confiance est très très importante. Bien sûr. La discrétion et puis le respect aussi. Moi, je me rappelle donc avoir vu ça. J'ai encore des images traumatiques, de traumatisme, mais j'ai encore ces images. D'autant plus par le métier que j'ai fait par la suite, parce que ça m'a amené à rentrer dans les secours. secours, vu mon milieu associatif, je suis rentré dans les secours officiels, on va dire, en tant qu'officiel, en tant qu'ambulancier professionnel. Et de là, effectivement, donc j'expliquais juste avant cette partie, cette première escale musicale, parce que nous sommes à bord du vol numéro 11 et non pas numéro 12 comme je l'ai présenté sur la vidéo, voilà, dans Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, et vous êtes aussi en streaming sur radioarc-en-ciel.com. Oui, c'est .com, c'est ça. On nous trouve facilement sur Internet, hein, allez-y, et là vous êtes en streaming après, ce n'est pas la web radio, comme j'ai pu l'annoncer, c'est vraiment du streaming, voilà. Oui, Joël, je vous écoute. Par contre, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la discrétion, moi je peux confirmer aux auditeurs que Thierry a tellement gardé ses photos discrètes que même moi, je n'ai pas le droit d'ouvrir la valise. Ben oui. Voilà. Il a fait tellement de choses qui l'ont marqué qu'il ne veut pas que moi je le voie. Bien sûr, mais c'est de la protection en même temps, hein, parce que bon, il y a des images qui peuvent choquer, qui étaient choquantes, oui, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que j'en profite pour remercier tous ces gens des secours, parce que moi je les ai côtoyés de près pendant pas loin de 10 ans, et j'ai fait des stages avec eux, de formation à Paris notamment et sur Orléans en SMUR, à ne pas confondre SAMU et SMUR, c'est pas tout à fait la même chose. Le SAMU c'est un service et le SMUR c'est le véhicule qui se déplace, mais enfin bon, tout le monde appelle ça le SAMU, et c'est vrai que bon, des fois on a ces souvenirs qui remontent, et c'est une très bonne formation, et encore un gros, comme on dit dans la musique hip-hop en général, un gros big up à tous ces pompiers, ces gendarmes, ces policiers, ces gens du SAMU. Qui font un boulot extraordinaire. Ouais, qui est vraiment pas facile. Hein. Et puis après, la DDE, enfin tout ce qui travaille sur ces milieux-là, parce qu'ils prennent aussi des risques avec les patrouilleurs. Hein. On a vu des fois des trucs qui étaient assez chauds. Voilà, mais donc juste après les accidents, il nous arrivait, et des fois ça me coûtait un petit peu sur mes heures de travail, parce qu'on partait sur des reportages des fois sur un blocage d'autoroute qui prenait des heures et des heures, hein, avec du délestage, on restait ferme. J'ai même des services de secours qui ont appelé à l'époque mon employeur en usine pour lui dire monsieur Verscher ne rentrera pas, il est réquisitionné pour donner des informations et pour détourner, parce que ce qu'il faut dire c'est que quand on détournait sur les accidents, ça a occasionné du surplus de circulation dans certains axes qui n'étaient pas prévus à ça, et ça pouvait être donc on travaillait, j'ai travaillé des jours et des nuits, je peux le dire, et on se faisait relayer par nos collègues. Bref, ceci étant dit, nous étions partis donc sur des accidents, et tu avais un autre travail, je pense, un travail. Tu étais correspondant de presse. Voilà. Oui, j'étais correspondant de presse avec. D'ailleurs, je travaillais avec lui au départ. C'est comme ça qu'après j'ai pu rentrer grâce à mon travail aussi au journal. Je travaillais pour. Je sais pas si on peut. Oui, bien sûr. Le quotidien, La République du Centre, hein, notre quotidien local ici. Et qui n'est plus. Il est toujours local, mais c'est plus le même nom. Mais peu importe. Oui, c'est, voilà. À l'époque, c'était la République du Centre. C'est géré par une autre firme. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je peux malheureusement il nous a quitté, mais notre ami Jean-Claude Villette, qui était le responsable du service photo. Oui, bien, hein. qui m'a ouvert, moi, pour moi personnellement, ce qui a été un peu mon mentor, parce qu'il m'a ouvert les portes. Il t'a fait une ouverture sur l'objectif, c'est ça? Voilà, et puis en plus il m'a il nous donnait beaucoup de conseils photo, beaucoup de choses. C'est un homme très humain, et le jour où j'ai hyper apprécié, c'est quand un dimanche de reportage, il est venu voir, il m'a dit tiens Thierry, je peux te voir à mon bureau, et je suis allé à son bureau, il m'a donné ma carte de correspondant, et ça c'était pour moi une grosse marche, si tu veux, c'est une ouverture de porte et qui me permettait après d'accéder un peu partout, donc j'ai pu rentrer dans pas mal de domaines photographiques, hein, et ça c'était bien, parce que la République du Centre, c'était un gros parcours, parce que j'ai quand même été correspondant pendant pas mal d'années, et puis je suis parti sur des gros reportages, j'ai pas fait que du fait d'hiver, voilà. Je suis parti faire les grands voiliers à Rouen, je suis allé faire plein de choses, quoi. Ouais. Et avec la REP, enfin par rapport à la REP. Oui, bien sûr. C'est eux qui m'envoyaient, oui, tout à fait. Et donc, de mémoire, tu travaillais en Argentique à cette époque-là? Oui, absolument. L'Argentique, c'était... on faisait que ça parce que la péloche. Ouais, la péloche 24-36 alors on passait de la 12, de la 24 ou de la 36 pause et puis on partait tu parlais du journal, ce qui était bien c'est qu'au journal on nous fournissait les pellicules, on nous les développait et puis on choisissait ouais, dans le bain vite fait et tout après fait. Tu avais été alors de mémoire parce que je suis venu plusieurs fois là-haut, c'était à l'époque à Saran. On allait derrière le petit enfin bref, ouais. On montait, il y avait toutes les machines en bas de presse et tout ça de mise et nous on montait dans les bureaux en haut. C'était ouais, c'était les bureaux et là tu avais donc le rédacteur en chef, celui qui faisait en page pour la une du lendemain matin du tirage. Tout à fait. Donc suivant l'heure, on pouvait encore, c'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse die-die après l'accident et en respectant les limitations de vitesse hein. Je vous le dis parce que là on n'était pas assuré par les pouvoirs publics au cas où hein. Donc bon, des fois, on était quand même un petit peu avantagé, faut le dire. Mais on arrivait là-haut, donc il y avait le bain, il y avait le tirage, il y avait le négatif. Et de là, sur le négatif, vous travaillez, parce que moi, je vous regardais faire. Vous travailliez avec une loupe, enfin. Voilà, on mettait, si tu veux, le film sur la table lumineuse. Voilà. Et puis Jean-Claude ou le professionnel qui était voilà. En permanence prenait son compte-fil. Et alors, le compte-fil, c'est une loupe, hein, ouais, qui nous permettait de regarder négatif par négatif. Et là, il choisissait la bonne photo. C'est lui qui faisait le choix ou tu avais ton mot à dire quand même? Je pouvais mon mot à dire, mais lui, c'était lui qui, en fait, en dernier c'était recours, suivant c'est le, lui le, qui donnait le, son le, avis. Voilà, parce qu'en général, ouais, c'était eux qui faisaient les articles. Tu leur donnais les renseignements, ils écrivaient derrière. Ouais, non, ou sinon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher les renseignements. C'est-à-dire que nous, on fournissait l'image. Eux, ils appelaient, par exemple, les services de police, ils appelaient les gens d'autoroute, etc., pour avoir plus d'informations parce que nous, on pouvait raconter, mais même si on était sur place, ils préféraient avoir les informations. Bien sûr, plus crédibles. L'information. Et le lendemain, enfin, suivant les heures de tirage et les possibilités, c'était dans la presse du lendemain, ou des fois, s'il n'y avait pas le temps, c'était dans la presse juste après. Ouais. En fonction du nombre. Par exemple, je te fais juste une aparté. Le lundi, il y avait beaucoup de choses qui sortaient. On avait un spécial sport, etc. Oui. Ou quand il y avait un événement sur le département, alors que ça passait forcément le lendemain. Voilà. Ça passait pas le jour. Et là, on va parler au niveau du droit de l'image, parce que tu parlais de droit de l'image, le droit photo, hein, code de la propriété intellectuelle. C'est aussi un autre débat. Il y en a des débats à faire sur cette radio 96.2 arc-en-ciel FM sur Orléans. Donc tes photos, elles étaient signées ou elles étaient en ce que j'apprécie pas trop, mais ce qu'on voit, c'est en DR en cadre de raisin. Tu fais allusion au paparazzi, là, le film où il signait DR, droit réservé, mais en fait. Oui. Mais voilà. Mais en fait. Non, pas ce film-là, mais je l'ai tellement vu, même sur certaines de mes photos. Je m'appelle Didier Rozzi. Non, parce que Tim Seat, il disait toujours, mais qui est ce DR? Oui, là. En fait, lui, il savait pas ce que ça voulait dire. Donc, en fait, oui, on avait les journalistes qui faisaient le papier avaient comme consigne de signer les photos. Ouais. Moi, et ça m'est arrivé d'avoir des photos non signées. J'étais pas très content. Ouais, on n'est pas content. Même si on n'est pas charmant payé ou si des fois on n'est pas payé du tout, on a quand même notre travail qui est là et qui doit être signé. C'est pas un droit, c'est un devoir. Enfin, moi je le vois comme ça. Moi aussi. Hein. Voilà. Donc à ce niveau-là, tu allais à la REP et c'est ces photos. Enfin, on va pas parler argent, mais c'est ce reportage. Hormis le côté, parce que moi je me rappelle avoir eu ce journal qui m'a de temps en temps donné des lots, soit pour mon association en guise de remerciement, soit m'a ouvert des portes, ou soit de temps en temps m'ont un petit peu défrayé aussi. Donc c'est pour ça que j'ai gardé des bons souvenirs avec Philippe Ramon, que j'ai encore régulièrement au téléphone, parce que tu fais allusion à lui, qui travaille plus pour le journal, mais qui travaille dans d'autres magazines spécialisés maintenant. Et pour te dire qu'en fait la rémunération, on était rémunéré, moi qui conduisais pas, ça me faisait plaisir, on était rémunéré au kilomètre. Voilà. Ouais. Et moi je me rappelle parce qu'avec le côté de la Citizen Board, ils nous aimaient bien, ils nous avaient à la bonne parce que bien souvent on était les yeux et les oreilles de la route et on leur filait des renseignements parce que nous on entendait tout, on avait tout le canal des routiers, le canal 19 qui venait nous avertir sur le canal 9 et de là on avait, alors des fois on était plus en avance que la gendarmerie, que les pompiers, le SAMU, on avait le renseignement. D'où après le travail qu'on a fait. Mais pour ça, le quotidien local m'a de temps en temps mis en avant pour le journal, se déplacer pour des reportages, la sauce. Ou enfin, on a fait un bon business ensemble. Il y a pas eu de souci. Je dis pas qu'on va tourner la page, mais ni on va tourner l'écran. Tu as une grande expérience de la technique et des réglages, tout ce qui est vitesse, ouverture, obturation, ISO, le grain, le bruit, profondeur de champ. Mais lors de ces reportages, quel était pour toi, on va pas parler de réglage de matériel parce que c'est tellement vaste et tellement long qu'on peut en faire un livre. Oui, la technique, c'est une autre chose. Et puis, elle évolue énormément. Oui, et puis maintenant, on est beaucoup en numérique et c'est pas ça. Il y a toujours, on retrouve toujours un petit peu ça, mais c'est un petit peu différent. Et quelles étaient tes focales? Parce que je sais qu'il y a des photographes qui nous écoutent, j'allais dire qui nous regardent. Non, on n'a pas encore la télé, mais qui nous écoutent. Et tu travaillais quoi avec focale? En fait, la focale, le caillou, comme on dit dans le jargon, c'est l'objectif. Voilà, l'objectif. Moi, j'ai mon objectif fétiche que j'ai actuellement, avec qui je travaille toujours depuis l'époque des accidents. C'est le 24-120. Je donnerai pas la marque. Un 24-120. D'être assez large. Voilà, avec une ouverture d'un 4. Un 4, ouais. Ou de 8. Une bonne entrée en lumière, un bon piqué, voilà. Tout à fait. Et un piqué extraordinaire, avec une bonne luminosité, au niveau de la profondeur de champ extraordinaire. Et donc, si tu veux, ça reste encore de mon jour actuellement. Je travaille. Tu disais 18? 18, 24-120. Oui, c'est 24-120. Voilà. 24-120. À savoir que l'œil humain, quand il visionne, on est à peu près à 50. Donc 120, ça double l'effet optique sur la vision. Ouais, très bien. Et puis bon, moi je l'utilise beaucoup parce que on y reviendra tout à l'heure, mais pour réaliser des portraits, c'est vraiment un très bon truc. Et puis un objectif. Tu fais un truc sur les portraits. Non, un très bon objectif. Et puis j'utilise aussi dans la continuité le 85 aussi 1.4 qui était pour moi aussi une très très bonne optique. Et alors après dans des focales que j'utilise actuellement, que j'utilisais ce matin. Voilà. Les gros téléobjectifs. On va parler. Ça sera dans la phase de notre deuxième. Dans notre deuxième passage, on va dire, donc tu le 24-120 et le deuxième, le 85. Ouais, le 85, c'était focale fixe. Toujours un 4? Toujours un 4. Ouais, ok. Un 4, c'est le focus en fait de l'entrée de la lumière par rapport à. Voilà, c'est la plus grande ouverture par rapport pour faire rentrer la lumière dans l'appareil. Voilà, parce que vous savez que. Faire de la photo, c'est écrire avec la lumière. On va en parler un petit peu plus tard. Il est quelle heure? Oh, ça va, il est que 14h40. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, en FM et en streaming aussi. Et c'est l'émission Didier Inco. Et j'en rappelle, pour ceux qui prennent en route, que nous sommes actuellement en compagnie de Thierry Scholl, qui est photographe passionné, émérite, qui a été reporter photographe pour les secours il y a une certaine époque, là où nous sommes rencontrés il y a 30 ans en arrière, et il est accompagné de Joël, qui est sa compagne en même temps, qui est, je pense, un petit peu son manager, parce que je sais que toi, tout ce qui est hormis la photo, tout ce qui est paperasse et tout ça, c'est pas tellement ta tasse de thé, donc t'es plus terrain, et madame est ton épaule, et bien, c'est ça Joël, est-ce que je me trompe? Moi je suis plus son chauffeur, puisque aussi, oui, comme il vous a dit, n'a toujours pas son permis. Voilà. Donc je suis son chauffeur, je suis son binôme, je suis un peu tout, quoi. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est informatique. D'accord. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure. Oui. J'ai rencontré Thierry déjà au même endroit, on a travaillé ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble et que je suis rentrée dans sa passion. Mais pour rentrer dans sa passion, il a fallu que je retourne à l'école à ma retraite. Donc, je suis retournée à l'école pour faire une formation, pour travailler sur Word, Excel et pour PowerPoint. D'accord. Donc, maintenant, tu sais tout sur Excel, PowerPoint, Word. Voilà. Pour ses expositions, c'est moi qui fais des diaporamas avec ses photos. D'accord. Voilà. Donc c'est toi qui te mets les PowerPoint. On est complémentaires. Voilà, mais c'est très bien. C'est très bien. Ouais, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu. Puis j'ai vu, tu comprendras dans le troisième volet, le travail que tu as fait là sur le petit album que j'ai sur ma droite. On le mettra un petit peu en photo pour les auditeurs, les auditrices. C'est vraiment un travail remarquable, mais ça sera la cerise sur le gâteau. Donc, tu as été un petit peu ton contact en premier et de venir me rencontrer, surtout le côté de venir promouvoir un petit peu ce travail et ce que tu as fait. Thierry, il est 14h40, 14h45, quelque chose comme ça. On n'est pas en retard. Alors, si je te dis affût, vent de face, application radar, approche, de livrée, d'identification, de compagnie, de touchdown, de smoke puff, ou alors en 1/116e, 3200, ISO, auto ou à l'inverse à 1/125e suivi pour la photo filée parfaite. Cela te fait penser à quelle passion ? Bah, l'aviation. Voilà, l'aviation, bah oui, c'est actuellement un de mes sujets, tu vois, pour, comme je te disais tout à l'heure à mon arrivée, ce matin, j'étais en bout de piste. Voilà, là, donc voilà. Tu peux décoller, là, on y va, on met les gaz. Bah là, on peut y aller, là, parce que c'est un sujet d'actualité voilà, donc pour c'est moi. C'est une passion qui s'appelle. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Voilà, il y a plusieurs. Je vais t'expliquer. En gros, la passion, moi, je l'ai commencé avec ce qu'on appelle la méthode spotting, le spotter. Le spotter qui est une. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, le spotter, c'est quelqu'un qui, pendant la guerre, était sur un point fixe donné, montagne, une butte, une plage maritime, voilà. Et il était chargé d'annoncer à l'approche des avions ennemis. À sa hiérarchie en disant attention, il y a par exemple des Spitfire qui arrivent et qui vont c'était attaquer. C'était en 45, alors c'était la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il n'y avait pas de spotter au temps de la guerre Non, ça n'existait pas, ça s'est découvert au fur et à mesure, un peu comme la résistance, bien sûr, ces choses-là. Donc le spotter, pour donner la définition que je viens de te donner, en fait, ça permet actuellement de nos jours, c'est que les gens vont sur les aéroports, on essaye de trouver par des systèmes de cartographie que nous avons, qu'on appelle spotter guide, qui nous donne les plans d'aéroport et qui indique les points où on peut s'installer pour éventuellement faire des avions. On va en parler un peu parce que j'ai fait un petit peu de spotting aussi. Donc, ah ouais? J'ai été m'amuser un petit peu. Et donc tu vois, et donc là c'était hyper intéressant parce que, alors c'est une passion qui, j'allais dire, faut avoir, Joël peut t'en parler, il faut avoir de la patience. Ah bon, tu crois? Patience. Parce qu'on peut être par exemple 3-4 heures à attendre un avion. Regarde, ce matin on a attendu depuis 10 heures. Et pour nous annoncer qu'à 13 heures, les avions ne viendraient pas. Eh oui. Ils vont venir demain. Mais bon, ouais. Ça fait partie. Et demain, tu y retournes? Oui, demain, j'y retourne. Bah, bien sûr. Et donc, si tu veux, c'est hyper important parce que la personne qui n'a pas de patience, on ne peut pas faire ce genre d'événement. Quoi. Je veux dire, j'ai cette patience. On a la chance tous les deux, avec Joël, d'avoir énormément de patience. On est capable d'attendre sur pas mal de terrains d'aviation, on a attendu des heures, quelquefois des avions bien spécifiques aussi, quelquefois qu'on attend pour les photographier. Donc c'est hyper important. Il n'y a pas que la patience, il y a beaucoup de routes aussi. Et la route. Mais oui, la route, dit-elle en tant que chauffeur. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que une fois on était sur un aéroport à Bâle, il m'a dit oh il y a un avion que j'aimerais bien faire. Bah, j'ai dit allez hop on y va. Notre avion était à Saint-Malo. On a traversé la France pour aller faire un avion à Saint-Malo qu'il a loupé. Que j'ai loupé. Ah oui, t'as loupé l'avion ? Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, on s'est mis sur un parking. J'étais persuadé que l'avion passait sur un autre endroit. Et en fait, il est passé du côté Joël. Mais comme on s'était séparés, ben, elle l'a eu, mais bon, ben, elle faisait pas de photo. Et moi, j'avais mon appareil. Donc, je suis allé à l'autre endroit et l'avion est passé à son côté. Oui. Donc, je l'écoute souvent parce que, malgré ça. L'intuition féminine. Non, mais voilà. L'intuition féminine. Voilà, elle a beaucoup d'intuition, même en aviation. Et c'est très bien parce que, quelquefois, ça m'aide parfait parce que je l'écoute. Et quelquefois, c'est quand elle me dit c'est là, ou ça va venir, ou non, c'est pour toi, c'est pas pour toi. Donc, généralement, ça marche. Donc, c'est hyper important. Comme les avions camerounais que j'avais annoncé. Oui, les avions du Cameroun aussi, oui, qu'on avait fait à Paris, pièce rare. Donc, voilà, parle-nous, après, je te ferai découvrir un groupe local côté musique, parce que dans l'émission de Didier & Co, c'est un accord que j'ai avec l'émission Mavrica qui m'a parrainé, qui me parraine et qui m'a fait rentrer donc à la radio. Mavrica fait des émissions sur la musique locale, enfin sur la musique locale, sur les amateurs, sur les groupes amateurs, voire professionnels, sur les locaux. Il interviewe, on y sera demain soir, des groupes locaux ou extra-locaux ou de passage pour parler de la musique. Et dans mon émission, de temps en temps, en musique que je fais découvrir à nos auditeurs et aux personnes invitées, un ou deux morceaux de musiciens, de groupes qui sont de la région. Et des fois, je fais des émissions entières sur la musique locale. Souvent dans la deuxième partie. D'ailleurs, Thierry, si j'ai un chiffre à te demander, entre 1, 3 et 4. Tu choisirais quoi? Ah, le 2? Ah, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Ah non, elle a déjà été, ça a déjà été pris. Le 1, le 3 et le 4. Bah, le 3. Le 3. Donc, bah, voilà, on dirait que ça sera la pochette surprise numéro 3 qui sera dans l'émission tout à l'heure d'Ilienko, puisque la deuxième partie de l'émission n'est pas un interview, mais c'est aussi pour faire découvrir de la musique ou pour faire écouter de la musique un petit peu en pochette surprise avec une quinzaine de morceaux. C'est des choix, des thèmes de morceaux, et ça sera donc la 3, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Voilà, donc je calerai ça tout à l'heure. Ça sera la prochaine surprise, on verra ce qu'il y a dedans. C'est à peu près une quinzaine de morceaux qui se suivent. Et ça s'appelle Pochette Surprise, où tous les auditeurs sur la page de Didier & Co peuvent éventuellement sur les réseaux sociaux, Facebook, marquer leur numéro. Et si c'est pas fait via Facebook, c'est fait en général par l'invité qui choisit son numéro fétiche ou le numéro qu'il a envie de donner. Donc, avant de te proposer cette escale musicale de ce groupe qui passera d'ailleurs à l'espace Bérer, je sais pas si tu connais l'espace Bérer. Tout à fait, à la chapelle. Ils seront à la chapelle, ils seront dans le Mavrika Live numéro 16, et ça sera le 7 mars aux alentours de 20h. On va repasser juste un autre morceau. Julien Liaba, et ce morceau s'intitule comment? J'ai du mal à lire les noms en ce moment, c'est quand même assez délicat. Enfin, je retourne chez mon ophtalmo. Autrement. Voilà. Et c'est parti avec Autrement, monsieur Liaba. Je cherche encore quelque part un peu de nom. C'est ton regard qui m'aide parce que c'est flou. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que j'ai des doutes. Que les non-dits se transforment en j'en ai rien à foutre. Et sincèrement, même dans les échecs, on garde le bon. Et même si notre histoire un jour a vu le soleil dans mes souvenirs, on a trop perdu de temps, j'aimerais que le vent se lève. Si seulement, si seulement, autrement, autrement. Mais si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement. Si seulement, si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement. Si dessiner nos sourires, je rêve du parfum de tes soupirs. C'est pas normal, non, c'est pas normal de faire semblant. Seul on s'en sort mal, on n'a plus le temps. Je vis dans tes repères, j'ai des larmes de pierre. Je veux qu'on se souvienne que le silence nous perd. Je veux que tout s'arrête et que le vent se lève. Je viens de faire mes aveux, j'ai besoin de parler un peu. Si seulement, et oui, si seulement, c'est la phrase qu'on pourrait dire fréquemment, si seulement, n'est-ce pas, Thierry? Oui, si seulement. Alors, je voulais te faire une parenthèse par rapport à la chanson, si tu me permets. Mais bien sûr. C'est que j'ai rencontré ce jeune garçon, hein, Julien Liaba, parce qu'en fait, ça fait partie du troisième volet. Et un garçon charmant que j'ai pu j'ai travaillé avec lui en photo et qui a eu un Energy Award à Cannes. Bah moi je te parle parce que je le suis un bien peu sûr. Et donc il fait partie un peu comme tu disais tout à l'heure de ces nouvelles figures musicales, que ce soit chanteurs ou comme des groupes. Et je travaille justement actuellement avec des gens qui débutent dans soit des groupes ou des musiciens. Et là j'ai travaillé il y a pas longtemps avec Nina Attal, une superbe guitariste. On a été invité à son concert, j'ai fait des photos pour elle et tu vois plein de choses comme ça. Le team aussi. Ouais, bon, on va en parler, on va continuer, on va pas dérouter par rapport. On a un avion à prendre en photo entre Saint-Malo et et Bâle. Donc à ce niveau-là, est-ce que tu peux on va faire un jeu de mots, nous développer un petit peu plus le milieu du spotter. Alors avant tout, c'est une passion. Il faut aimer l'aviation. Il faut aimer. Moi, je suis tombé dans la bassine bizarrement après mon service militaire et ayant pratiqué. Bon, j'ai quand même fait. J'étais parachutiste. J'ai sauté en avion. J'ai plus de 150 sauts à mon actif. Et donc la passion est venue après. Donc après tout ce qu'on a parlé avant. Et donc la passion, les avions, faut les aimer parce qu'un avion. Beaucoup de gens me disent ah mais c'est un outil de transport. Non, ce n'est pas que ça. Un avion aussi, ça sert de publicité. Si là il y a pas longtemps, je suis allé photographier un avion marocain qui porte l'effigie de la coupe africaine. Ce qu'on appelle la livrée en fait. La livrée, voilà. Une livrée, c'est. Une livrée, c'est le logo. C'est le logo, c'est un dessin. Ça peut être un logo. Tu prends, je fais une parenthèse tout de suite, puisque nous sommes allés en Belgique. En Belgique, tu as Bruxelles Airlines qui a fait sur suite à des concours dessins, les gens qui ont gagné le concours ont leur dessin qui est dessiné sur l'avion. La livrée, c'est aussi ce qu'on peut trouver sur les trams à Orléans. Tout à fait. C'est une livrée. Sur les trams. Et on sait que dans ce milieu-là, hormis prendre des décollages et des atterrissages qui ne sont pas toujours si faciles que ça à prendre, suivant la position, suivant bien des choses, des éléments, des facteurs, on sait que il y a des dans le métier de spotter, il y a des spotters qui se spécialisent dans des choses bien spécifiques. Tout à fait. Il y a les gens qui font le commercial. Donc c'est les avions lambda de tous les jours qui partent d'Orly, de Roissy, Charles de Gaulle, des gros aéroports. Après tu as l'aviation d'affaires qui est une autre passion. C'est des avions plus petits, c'est des avions privés. Et puis tu as aussi un gros morceau qui actuellement aussi c'est le militaire. Donc il y a des spécialistes du militaire. Oui, bien sûr. Voilà, après ça va être draconien au niveau. C'est un peu plus complexe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans ce milieu-là parce que je présume que tu viens pas avec ton smartphone au bord de la piste et que tu fais des photos clac clac coucou c'est moi et je prends des photos de à tout va. Il y a des normes, il y a des règles. Alors, il y a des autorisations. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Je vais être un peu pas être gentil au départ parce que je le dis comme je le pense. En France, ça devient très compliqué. On est constamment contrôlé. Oui, j'ai eu trois. On est contrôlé, on est regardé. Il faut montrer patte blanche. Enfin, il faut même dans les accès, il y a même des gens qui appellent pour te contrer. C'est-à-dire, ils appellent les gendarmes et les gendarmes viennent te voir. Pendant ce temps-là, tu prends pas l'avion qui passe. Exactement. Et tu loupes des trucs. Et à côté de ça, bon, en France, en plus, à Paris, il nous faut une autorisation. Charles de Gaulle. Enfin, si, c'est à les trois aéroports, c'est-à-dire Roissy. Avant, il y avait Roissy et Le Bourget, et là, ils ont rajouté Orly. Je voulais dire Roissy, c'était Orly, ouais. Voilà. Tu as une autorisation qui t'est décernée par le préfet des aéroports parisiens et qui te permet pendant 3 ans de pouvoir effectuer ta passion en bordure de piste. En bordure de piste. Tout est relatif dans le bordure de la piste. Hein. On est quand même assez loin. Oui, mais on essaye de s'approcher au maximum de l'avion pour le faire à l'approche ou au décollage pour essayer d'avoir des images quand même de qualité, quoi. Hein. C'est le but. Et donc, au contraire, avec notre expérience avec Joël qui pourrait aussi t'en parler, c'est qu'on a fait beaucoup d'aéroports internationaux. Et tu vas en Belgique, tu vas en Allemagne. Ils sont pas aussi. Parce qu'en plus, ils fabriquent ce qu'on appelle des belvédères. C'est des endroits, plateformes. Ça je l'ai lu, effectivement. Tu te mets, mais là, t'as un monde. Non, pas forcément. Les gens qui y viennent, généralement, ce sont des passionnés. Ce ne sont pas, il y a des visiteurs, il y a des gens qui viennent voir, ils voient un ou deux avions, ils s'en vont. Mais nous, on y est toute la journée. Parce que les belvédères, ça n'a rien à voir, hein, on ne va pas confondre un cerf avec un avion. Ouais. Et les belvédères à Chambord, par exemple. Non, les belvédères, moi je dirais plutôt un mirador. Oui, voilà. Voilà. Ouais, mais ça, j'avais lu et j'avais su aussi ce que je me suis un petit peu renseigné. Bon, moi, j'ai fait un petit peu de spotting simplement pour le plaisir, parce que bon, la photo, c'est ouvert à tout. Et c'est surtout parce que souvent, j'allais accompagner ou j'allais chercher des gens à l'aéroport et que pendant ce temps-là, le temps qu'ils arrivent, bah tiens, j'en profitais, je prends le. Puis on sait jamais, des fois, j'ai souvent l'appareil avec moi dans la. Même si je suis un petit peu à la retraite maintenant, c'est toujours le côté passion qui est là. Et je me suis retrouvé sur un Charles de Gaulle à aller chercher. Ils arrivent par où, je connaissais pas trop, j'avais pas. Et puis tomber sur des personnes. Ah, il faut te mettre là-bas et tout. Ah, mais aujourd'hui ils décolleront pas de là, ils sont en face. Ah bon, pourquoi? Ah ben parce que ils décollent toujours face au vent. Ah d'accord. Et puis contrôle deuxième fois où j'y étais, contrôle de la gendarmerie, la police de l'air et des frontières, qui sont passés pas sur la piste, mais moi j'étais en bordure. Je sais pas si tu connais derrière sur la grande butte. Tout à fait, oui. La grande butte, et ils sont venus me contrôler, papier, tout ça. Vous faites quoi? Ben voilà, je vends des Toyota, non, comme je le dis. Non, je faisais pas trop le malin. Ils m'ont dit non, ben voilà, vous êtes bien, il y a pas grand monde et tout ça. Vous êtes loin, mais attention, faut respecter ça. Vous approchez pas les grillages et tout. On vous a l'œil, de toute façon, on vous voit depuis tout à l'heure, on vous observe. Et c'était la voiture de patrouille, la jeune qui passe sur les pistes, c'est pour voir s'il y a pas des morceaux de oui, les pistards, ouais. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle le véhicule aviaire qui fait chasser les oiseaux. Voilà, oui, avec les tout à fait. De temps en temps, ils passent avec des cris d'oiseaux, voilà. pour effrayer, un peu des effrayants. Ouais. Et donc ils sont venus me voir, on a été appelés parce que on vous a observé et on connaît pas votre visage. Donc ils m'avaient vu quand même de près. Hein. Voilà, et je leur ai expliqué, il m'a dit ok, mais là vous êtes pas bien placé, mettez-vous plus par là-bas, vous ferez de plus belles photos. Et j'en ai ramené un bon souvenir, c'est un 48 heures d'avoir les yeux gonflés. Parce qu'en fait, quand j'y étais, c'était à l'époque de l'herbe avec les petites les petites particules là au moment du printemps. Et en fait, j'avais mes lunettes, mais j'ai pris plein de débris de la floraison. Le pollen, la floraison, et le lendemain, j'avais les oreilles, les yeux vraiment avec la myxomatose, mais avec de sympathiques photos, et ils m'ont même dit, passez au-dessus de telle ville, ils vont arriver et ils se mettent là, allez sur la place Intel, ils m'ont fait voir au GPS et tout ça, et j'ai pu, à travers sur des bords d'immeubles et tout ça, prendre des photos sympas. Joël peut t'en parler? Oui, de toute manière, mais je reviens sur une chose, Thierry. Mets-toi bien en face du micro. Hein. Je reviens sur une chose, Thierry l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'en France, nous avons de plus en plus de mal pour trouver des points de spot, ce qui est bien dommage. Contrairement aux pays étrangers, comme admettons à Rastheim en Allemagne, il y a une très grande base militaire américaine où il n'y a aucun souci de prendre des gros avions sans problème. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de redescendre l'escabeau quand on a fini de faire notre photo. C'est tout. Ah, parce qu'ils vous prêtent l'escabeau ou c'est... Non, on amène notre escabeau. Ah, c'est là qu'ils les laissent. Et puis Joël va t'en parler parce que toi, comme on travaille toujours en binôme, même sur le terrain, on travaille avec deux fonctions qui tu connais peut-être, qui s'appellent Fly Radar. Oui, vous connaissez. Et puis ADSB, qui est une version plus sophistiquée parce que dessus on a les militaires. Et donc, ce qui nous permet. Mais sur Fly Radar, ils y sont pas. Alors, ils y sont de temps en temps, ils apparaissent, mais ils y sont pas toujours. Voilà, ouais. Alors, surtout quand tu recherches des avions bien particuliers que tu attends, il vaut mieux avoir ADSB. Mais bon, après, c'est une méthode de nous de travail, parce qu'on a en amont, on a aussi des informations. On a oui, bien sûr, que vous échangez sur des forums, sur des... Voilà, enfin... entre passionnés, on s'informe. Et puis, moi, je fais partie, par exemple, d'un comité VIP. Je suis en priorité, je suis dans les alertes. C'est-à-dire que s'il y a un avion bien précis qui vient sur la France, par exemple, il y a deux ans, on avait fait Biden. Il y avait toute la famille, enfin tous les avions américains qui étaient venus. Il y avait le Air Force One, il y avait pas mal d'avions, il y avait des trucs. Et ben on avait toute l'information. On savait où fallait se mettre, on savait quelle piste d'avion allait prendre, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un travail en amont pour avoir toutes les informations pour faire. Bien sûr, oui, c'est un gros travail. Puis après, il y a le côté archivage, le côté photo, le côté. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu, parce que est-ce que tu étais au niveau de Roissy au départ, est-ce que tu étais toi encarté, est-ce que tu avais une carte officielle? Moi j'ai commencé obligatoirement avec la carte, parce que moi je suis quelqu'un qui suis très carré. Oui, je veux oui. pas d'histoire. Et tu parlais du contrôle, moi j'ai été contrôlé en une journée 9 fois par la GTA. Donc c'est énorme. Mais à l'époque, on avait les plans Vigipirate, on avait pas mal de choses comme ça, ce qui était compréhensible. Moi, à partir du moment où on m'autorise et qu'on vient de me contrôler, j'estime que les gens font leur travail, et chacun fait son travail, et que le contrôle, tu dois l'accepter. Ça ne dure pas longtemps. On contrôle ta feuille, on contrôle ta pièce d'identité. Ils ont le doublon. Et ils voient si ça correspond, t'es tranquille, ils te laissent à ta place, ils vont contrôler quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper important. Moi j'ai commencé comme ça, et puis ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on n'a pas cette contrainte quand tu vas à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, tu arrives, tu as déjà vu ce que tu vas faire, et t'as pas de dire, attends, je vais être contrôlé par la police, les gendarmes. Ah, c'est la peur. Voilà, c'est pas parce qu'on est irréprochable ou pas, mais c'est simplement la peur d'être contrôlé, de... Voilà, mais nous, ça nous fait plaisir parce que justement, on n'a pas ça à l'étranger. Ici, tu vois, même ce donc matin, c'est un appel que tu fais aux aéroports, en plus avec le côté Vigipirate et tout ça. Puis comme on y va souvent, il y a des gens qui passent en voiture qui sont pas toujours au courant de ce que l'on fait et ce que l'on a, et qui nous voient des fois avec des téléobjectifs qui sont un petit peu grands. Je vais parler d'un 50-500 ou voire des 800 ou autre, peu importe. Des fois bien plus gros ou imposant par le parce que plus c'est ouvert, plus l'ouverture est petite, plus l'objectif est gros. Et des fois, des gens passent, ah, qu'est-ce qu'il a, monsieur, il a un bazooka, attention. Et des fois, ça a été pris pour autre chose aussi. Oui, bien sûr. Donc de l'espionnage ou avec le terrorisme et tout ça, c'est assez délicat. Mais faut penser aussi que le spotter, c'est un autre œil. Faut penser qu'on est beaucoup sur d'attente sur les aéroports. Thierry l'a pu voir une fois un sanglier sur un aéroport. Oui, bien sûr. Et il a pu le signaler, ce qui a évité un accident. C'est le spotter, il est là pour ça aussi. Ah ben bien sûr. Ils sont contents de nous avoir quand même les forces de l'ordre parce que pour eux on est leurs yeux supplémentaires. Un avion qui a un problème, il peut y avoir un train d'atterrissage qui est, enfin en général ils le voient, mais ils le savent. Mais un problème que toi tu prends sur la photo, tu vas regarder, tu dis ah c'est pas normal. Et même du sanglier là, parce que moi il était sur la piste, il se promenait, donc j'ai appelé la BGTA de l'aéroport, ils sont venus, ils l'ont abattu, mais ils sont venus avec un tractopelle pour l'emmener. Ah bah, mais ça évitait qu'un avion qui était en approche qui se le prennent dans le train, parce qu'un sanglier, même dans un train d'atterrissage d'avion, ah bah ça peut faire bobo, parce qu'ils n'arrivent pas à... C'est ce qu'on n'arrive pas à s'imaginer. On les voit, on pense qu'ils sont au ralenti. Donc voilà. Mais ils arrivent à 200 km/h à peu près pour se poser. Voilà, sur des distances qui sont short, enfin plus ou moins short, suivant les... Et qu'est-ce que tu préfères faire en photo dans cette phase-là, enfin, dans l'approche ou au décollage, qu'est-ce qui te plaît le plus à prendre? Qu'est-ce que tu vas rechercher? Non, moi tout me plaît. Tout me plaît, ce soit d'ailleurs c'est l'avantage, c'est que dans ce genre de passion que je fais, on peut il y a une grosse diversité. On peut faire du roulage, on peut faire du décollage, de l'atterrissage, du toucher de pneus, on peut faire des choses extraordinaires. Oui, c'est la beauté de l'image qui prime. Même un avion de chasse qui passe à grande vitesse, par exemple un Rafale à 900 km/h, c'est pas facile pour le voir bien net, bien piqué. Le smoke puff. Voilà, cherchez le mot, c'est le smoke puff. Voilà, et ça c'est extraordinaire. C'est il y a des images qui, ou alors tu prends un avion qui fume bien avec la fumée derrière. Là je rentre, je te raconte une anecdote, je rentre du Canada il y a plus d'un mois maintenant. Ah, mais tu voyages beaucoup. Et donc au Canada, voiture, vous y avez été? Non, je suis allé tout seul. J'ai été invité par un ami spotter, et donc on a fait des 737-200 qui sont des pièces rares, sont des avions qui ont plus de 50 ans d'âge et qui volent encore, et qui alimentent les pays où il y a les Inuits, les Esquimaux, enfin je me parlais plus clair. Les Samis, ouais. Et donc qui vont alimenter ces villages en cargaison d'alimentaire, ou même qui peuvent, parce que ce sont des avions qui sont combinés, ils sont divisés en cargo et en transport passager. D'accord, oui. Et donc ça c'est des avions uniques à faire, c'est extraordinaire. Rare, c'est des pièces rares. Ah, bah, ils sont en train de les enlever, c'est pour ça que je suis allé les faire. Hein. Bien sûr, il faut garder une archive, parce que c'est vrai que nous, photographes, qu'on soit amateurs, professionnels, on est des archivistes, comme je disais dans mon livre, l'image mémoire, tout simplement. Mais tout à fait, on est un peu les collectionneurs de notre passé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu moi, depuis mes années, voilà. Le temps de déclencher, on est aussi un pont entre le passé, enfin l'instant présent, le passé et le futur. Tout à fait. Parce que ce qu'on voit là, à l'instant, c'est déjà passé et ça fait partie du futur. Je veux dire, donc c'est assez. Voilà, pour moi, je dis que c'est un pont. C'est la photo sur le pont. Je te parle d'un autre avion qui a été conséquent. Moi, j'ai eu la chance de le faire deux fois. L'Antonov 225 qui a été détruit pendant le début de la guerre en Ukraine. C'est un avion que j'ai pu faire deux fois en 2013 et je l'ai fait. C'est des petits avions, ça qui rentre facilement dans un écran, non? Si réacteur, ça commence à parler, hein. Et donc, et je l'avais fait donc à Zurich en 2013 et je l'ai fait à Châteauroux la dernière année avant que la guerre débute en Ukraine. Au départ de Châteauroux, il partait pour l'Israël. Et non, mais voilà, il y a des avions comme ça mythiques. C'était une très bonne anecdote d'ailleurs parce qu'on travaillait et tu te rappelles, ils nous ont dit qu'il y avait la tempête, donc tu ne pouvais pas... Ah oui, non, mais là, tu confonds avec l'Antonov, parce qu'il y a l'autre avion, c'est l'Antonov 22, qui était aussi un autre avion. Je suis allé à Vatry pour le faire, sauf qu'il y avait ce jour-là une tempête extraordinaire, et donc l'avion, ne pouvait, une fois arrivé sur Vatry, ne pouvait pas se poser, avec trop de vent, trop dangereux. Si on le voit des fois, moi, j'ai observé un petit peu, même à Roissy ou à Orly, des fois, on croit qu'il n'y a pas de vent, et puis on les voit, ils sont un petit peu... ça louvote entre la droite, la gauche, ça. Et puis des fois ils se posent, ils sont pas tout à fait droits. Et puis c'est pas ça, c'est que quand ça va pas, ils sont obligés ce qu'on appelle faire une remise de gaz. Ouais, et des fois, ils se représentent. Non, ça je l'ai jamais vu. Nous on le voit régulièrement. Ouais. Et ce que je voulais dire, l'Antonov 22, donc est reparti sur sa base de départ, ils l'ont renvoyé à Lyon. Et nous on a fait la bêtise, c'est qu'on est rentré à Orléans et on aurait dû rester comme on fait d'habitude. D'habitude on dort à l'hôtel. Et le lendemain il est revenu se poser à Vatry avec une météo meilleure. Ben je l'ai loupé, bien sûr. Mais je l'ai quand même fait autrement. D'accord. Bon, bah ça va. Donc, alors. Ça va. Il est dans la boîte. Ok, bah c'est. Est-ce que tu vas, lors des préparations du. Ça vient de me passer à l'idée, lors des préparatifs du 14 juillet, puisque la. Comment dirais-je? La piste de Brissy est parfaitement idéale pour préparer ce fameux vol du 14 juillet. Alors, est-ce que ça t'arrive d'aller là-haut? Alors, justement, non, je vais t'expliquer parce que Brissy, il n'y a pas de, à part les avions de transport. Non, mais tu parles de répétition du 14 juillet. Oui. Mais moi, je vais, comme je fais de la chasse, je m'en vais à Évreux. Parce que à Évreux, tous les chasseurs. Chasse photographique, hein, je présume. Les spotters, hein, toujours. Ouais. Mais là aussi, je travaille pour d'autres argumentations. Donc là, je demande une autorisation sur la base d'Évreux qui m'autorise à venir le jour même du départ du 14 juillet. Parce que tous les avions de chasse décollent de là-bas. Et donc, ce qui nous permet de les faire au décollage, même au sol, avant les départs. Et nous, comme avec Joël, on arrive la veille. Généralement, on les fait à l'arrivée, parce qu'ils arrivent toujours la veille avant de repartir le lendemain pour le 14 juillet, le temps de mettre tout le monde en place dans le ciel, et puis de défiler, quoi. Parce que moi, j'ai voulu y aller à Brissy deux ou trois fois. Alors, des fois, il y a soit à côté de la piste, enfin, vraiment au niveau de l'entrée, ou soit en pleine bosse, là où je peux donner mes points. Il y a ce qu'on appelle la ferme Villard. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi, où j'étais ce matin, les autobus. C'est un endroit Là, la première fois où j'y étais, c'était la foire d'Empoigne. Tout le monde. Il y en a qui vont presque avec des, enfin, même pas presque, qui est avec des smartphones, avec des escabeaux, avec des... non, j'ai dit, moi, j'aime pas ce genre de photos, qu'on retrouve aussi au salon de la photo. Et j'aimais bien y aller quand j'étais pro, pour aller voir un petit peu les nouveautés, tu sais, au salon de la photo. Oui, j'y vais plus parce que c'est devenu, d'abord, ça a changé d'endroit. C'est au Parvis de la Villette. C'est à la Villette, plus Porte de Versailles. Voilà. Et en plus de ça, je les voyais tous, ils étaient avec leurs trois. Alors, c'était leur jour de gloire. Ils étaient tous avec leur objectif, 3-4 objectifs, patati patata, à faire des photos que tout le monde fait, que tout le monde, c'était, c'est un petit peu comme si t'allais chasser, enfin faire des photos de sangliers dans un comment dirais-je. Je pense qu'on va le développer dans un volet, ça. Voilà. Mais un site d'élevage. Tout à fait. Voilà, mais donc au début, pour revenir à ce que tu disais, les répétitions du 14 juillet, parce que moi je les ai faites au début, ça se passait à Châteaudun. Châteaudun était très bien parce qu'on avait l'accès autoroute, et l'accès autoroute est sur une hauteur, et quand tu prenais tes photos, les avions étaient à ta hauteur. Donc c'était formidable. Oui. Ils passaient vraiment bien. Par contre, depuis qu'ils ont fait Brissy, c'est moins bien, parce qu'ils ont pris le même axe de piste, mais le problème c'est que quand ils passent à Brissy, tu les as en dessous, toi. Ouais. Donc si tu veux, tu prends les dessous, tu vois pas les côtés des avions, tu vois pas les profils. Puis, donc c'est moins intéressant. Moi, chaque fois que j'y étais, j'avais pas de contraste parce qu'en fait, des journées un petit peu grises. Alors là, tous les avions sont gris. Surtout, les avions gris, surtout de ce temps-là. Surtout les avions de l'armée. Hein. Soit les avions de secours, les Dash et tout ça, c'est blanc. Bon, c'est un point blanc sur un fond gris. Tout à fait. Donc, puis les avions de l'armée. Les hélicos aussi un petit peu. Ça, ils sont un petit peu en. Alors quand je vais à Évreux, au retour avec Joël, on s'arrête à Chartres, ouais. Parce que Chartres, c'est là où sont basés les hélicoptères. D'accord. Donc là, on a. Les dragons, tout ça, enfin les. Alors, t'as les NH90, t'as les Super Puma, t'as les Puma, les AS332, tu as le H160, tu as les EC120 de l'ALAT, de l'école de pilotage, qui sont basés à Dax, qui viennent là. Donc, tu as pas mal d'hélicoptères. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors pour nous, c'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas accès base. Il faut montrer pas de blanche aussi. Mais là, je fais pas les démarches, mais les militaires sympas, ils te disent, mettez-vous de l'autre côté de la route, parce qu'en fait, ils passent devant toi. Donc, tu peux les faire. Ouais, bien sûr. Largement bien. Ouais, puis là, tu prends l'adresse du militaire et tu dis, je t'enverrai la photo. Ça, je le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. J'ai fait un petit peu de spotting, il y a des gens qui se sont arrêtés. Ah, vous faites des photos, mais nous, on voudrait en avoir, mais on peut pas avec ça. Non, pas vraiment. C'est pas possible. Ou alors, si vous allez avoir des micro-puces sur l'objectif. Ah, mais on aimerait bien avoir 4 ou 5 photos, un petit souvenir. On attend notre cousin qui arrive dans 3 heures. J'ai dit, écoutez, voilà ma carte, je prends les photos, et s'il y en a 4 ou 5 de bonnes, je vous les ferai passer. En général, je les envoie. Moi, ça m'arrive, de temps en temps, même parce que nous, on est avec l'aéroport d'Orléans, mais ça m'arrive d'échanger avec des pilotes, même des équipages complets, des photos d'avion. Mais c'est bien parce qu'avec eux, j'arrive à avoir une contrepartie, ils me font un bon décollage, ils me font un bon truc. Donc je me rappelle quand tu prenais un petit peu l'hélico du SAMU, on connaissait bien les pilotes. Il y avait un pilote, je crois, qui s'appelait Michel. Il y avait Michel et Georges. Georges qui est décédé, d'ailleurs. Ouais. Et souvent, quand ils nous voyaient, pas quand ils étaient en transport de primaire, hein, ils faisaient pas les malins, là, ils partaient normalement, mais quand ils nous voyaient, surtout quand on allait à la source là-bas, à la première drop-in zone, oui. La DZ, ils nous faisaient des petits arrivés, et quand on avait été, rappelle-toi, à Nogent-le-Rotrou pour la fête des sapeurs-pompiers, le fameux pilote, alors il y avait la patrouille de France qui était là, la PAF, et il y avait en même temps un pilote d'un Dragon 75, je crois que c'est comme ça. Oui, c'était ceux de Paris, ouais. Ouais, et qui nous avait fait un petit décollage, il avait fait un petit demi-tour, était revenu nous survoler, mais avec le nez en bas et la queue en haut, quoi. C'était. Tu peux faire, moi je suis allé à Biscarros là pour faire le festival international d'hydravion. Et c'est pareil, les hélicoptères de la marine nous ont fait une démonstration extraordinaire, époustouflante. D'ailleurs, j'ai eu des photos qui sont passées dans des revues spécialisées. Mais vraiment, vraiment des bons trucs. Hein. D'accord, c'est parfait. Voilà, j'espère que les auditeurs et les auditrices sur Radio Arc-en-Ciel en plein les yeux, c'est le rôle du photographe. Hein. Puis attends, on va peut-être découvrir des passionnés qui vont s'y mettre. Voilà. Puis bon, n'hésitez pas sur la page Didier & Co. Si vous avez des commentaires ou autre à faire sur la photo, sur autre, on y répondra. Je suis en contact avec Thierry s'il y a des choses qu'on a oubliées ou autre, ou qu'on a omis de donner. Il y en a tellement, on peut pas tout développer. J'aime bien ce mot-là en photographe. C'est un domaine très vaste. Allez, une petite blague là. À quelle heure? 15h15. Est-ce que tu connais la blague du photographe? Non, parce que je suis pas. Enfin, en aparté, ben moi non plus, elle est pas développée. Ah ouais, d'accord. Voilà, d'accord. Ouais. Bon, ça c'était le petit truc juste avant de lancer le groupe qui sera donc le 7 mars à Mavrika Live, le groupe Dérapade, avec ça va être notre pont avec la troisième volée, un morceau qui s'appelle Showbiz. Yes. cette cocaïne. Pour 2 euros et un rail, tu te déshabilles. Voilà, il est 15h presque 20, on va dire 18, Radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans FM et sur le streaming. Nous sommes en compagnie de Thierry Scholl, photographe passionné émérite, et de sa compagne Joëlle, copilote, et qui est aussi en apprentissage photo, si j'ai bien compris. Elle fait un petit peu de photo pour le plaisir. Voilà, elle a un bon maître, elle a un bon professeur. Et elle a l'œil aussi, et puis elle a l'intuition féminine. Voilà, donc on parle un petit peu photo. On a parlé en tout premier lieu de la façon quand on s'est rencontrés, il y a un peu plus de 30 ans. Donc tu étais passionné photo, tu l'es toujours. Moi je t'amenais en même temps, je te servais de pilote, puisque tu n'as toujours pas passé ton permis, Thierry, c'est pas bien ça. Si. Et oui, c'est pratique pour toi. Non mais je dis toujours, je te coupe parce que pour moi, les gens qui disent ouais mais tu pourras rien faire de ta vie, c'est pas vrai pour ça. Ah, ça mais non, mais tu pour l'as moi, ça n'a jamais été un handicap, c'est ça voilà. Que je veux dire. Et le fait donc on t'amenait, moi j'ai découvert plein de choses et on a fait de très belles photos. Donc quand tu travaillais dans le milieu professionnel, enfin tu travailles pour des professionnels des secours que je resalue à l'antenne pour leur courage et leur mérite. Et après donc on a entamé le côté deuxième passion de Thierry, toujours dans la photo, toujours avec un appareil photo sur l'épaule, en bandoulière, un objectif en bandoulière ou pas, mais dans le sac et pas loin. Tu nous as parlé du milieu de spotter. Du côté photographe aviation, et je sais que là-dedans tu as une petite spécialité que tu aimes bien aussi, tu travailles un petit peu avec des magazines. Ah oui, alors suite à ma passion dans le spotting, qui est devenu après un peu plus que spotting, parce que voilà, j'ai été contacté par des revues spécialisées qui, en vue de mon travail, avait été tombé sur des images à moi et qui m'ont proposé une collaboration avec eux. Donc, alors on ne citera pas bien sûr, mais j'en ai quelques-uns. Et donc, l'avantage, c'est que, alors comment ça fonctionne? Soit ils me contactent et m'envoient sur des reportages précis, ou alors moi je les contacte ou je leur envoie des images qu'ils publient comme ils veulent. Alors ce qu'on appelle, sur certaines revues, on a ce qu'on appelle la page du spotter, où là je leur envoie des photos différents d'avions que j'ai réalisées, des pièces rares ou des avions moins rares qui sont courants ou qu'une livrée particulière. Et puis voilà, donc ça fait une très très belle double page dans ces revues et c'est sympa quoi, je veux dire. Voilà, alors je vais en profiter pour redonner un petit peu les noms, parce que là on donne des noms un petit peu à la volée. Donc on a le dans le spotting, on a le touchdown, donc le moment où l'avion touche le sol. On a aussi je perds tout en ce moment. Il va falloir que touchdown et le take-off. Et en même temps, tu peux le redonner l'explication du take-off. Le take-off, c'est quand en fait l'avion prend de la vitesse. Ils ont trois volets, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle, nous, en fuyant, c'est le tape 1, tape 2 et tape 3, ils doivent lever. Il ne faut pas qu'il y ait de problème entre ces trois périodes. Sinon, l'avion, soit il a le temps de poser, il a le temps de freiner et d'aller en bout de piste. Sinon, après, ça peut être dramatique, quoi. Mais généralement, le take-off, c'est formidable parce qu'il y a une puissance. C'est là où ils mettent les... c'est ce que tu as entendu tout à l'heure quand j'ai décollé. En plus, je dis que je ne sais pas. Je sais très bien. Je fais un petit cours d'eau. Je suis pilote d'avion. N'oubliez pas que mon émission vous amène en voyage. Donc, sur un 350, je devrais le savoir. Tout à fait. Et donc, il y a une puissance énorme qui est déployée. Et puis, quand l'avion lève, c'est spectaculaire. Surtout, on a des avions maintenant qui sont hyper performants. Tu parlais du 350 qui est actuellement l'avion phare de chez Airbus. Et que toutes les compagnies achètent. On a donc le smoke puff. Le smoke puff, c'est la fumée, c'est le côté tu prends avec l'huile, le feu, la fumée des pneus entre le... Oui, le freinage. On va parler parce que si on parle en termes un peu américaines, les gens vont pas trop comprendre. Non. Parce que même les gens mal anglais, c'est un peu compliqué. I'm sorry, I don't speak. Je parle pas très bien anglais. Donc, on va parler en termes simples. Ouais, le freinage qui est ce qu'on appelle... c'est quand l'avion touche. Il y a de la gomme énorme. Moi, j'ai des photos spectaculaires de ça. On voit des portions de gomme qui... Et puis, en plus, ce qu'on appelle la partie arrière de l'avion, avec les trains principaux. Mais quand l'avion pose la molette avant, t'as encore les oreilles. T'as les freins, t'as les reverses qui sont remis pour les volets, on inverse les volets des moteurs pour freiner l'avion. Et là, ça voit, et puis là, on voit la bête de plusieurs tonnes, centaines de tonnes qui s'arrête. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis bon, on parlait aussi des livrées. Alors la livrée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la partie publicitaire, sur l'avion. C'est ce que je dis toujours. On va sur des bus ou le tram. Quand on organise, par exemple, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu des compétitions bien spécifiques, on peut faire de la publicité sur les avions, aussi bien aussi pour annoncer un produit. Quand il y a eu le SIDA. Alors c'est pas la marque de l'avion, c'est pas la marque de la société de transport, c'est le spécifique. C'est comme un petit peu comme on voit sur les trams, où on peut voir sur certains bus, les bus de la Coupe du Monde de football, l'avion alors peut être décoré par une livrée complète ou alors une livrée partielle, c'est-à-dire l'arrière de l'avion, l'avant, ne serait-ce qu'un sticker énorme qui t'informe. Mais ça, c'est une des spécialités de certains spotters qui font ça, mais généralement le spotter prend tout. Il adore les livrées, il n'attend pas spécifiquement un avion. Et après, tu fais des photos filées aussi. Vitesse lente. Vitesse lente, et là, ce qu'on appelle, Alors, vitesse lente, pour un auditeur qui fait avec son smartphone, il ne peut pas. Ça va être difficile. En plus, avec la latence, ça va être compliqué. Non, on va faire basique. C'est-à-dire, par exemple, tu veux faire, moi, ça m'est arrivé, par exemple, un jet privé. Tu te mets au 30e de seconde. Alors, sur la molette. Et puis, alors, ce qui est important, parce que là, on est sur une vitesse très faible. Il faut surtout bien se caler et pas bouger. T'as le flou automatiquement. T'as deux flous, t'as le flou de l'appareil, de l'objet qui est pris, moto, voiture ou autre. Et puis, il y a le flou de nous. En tant que photographe, tout à fait. Positionnement. Et puis, il suffit que tu aies en plus une rafale devant, alors là, ça t'aide pas. Ça aide pas. Donc voilà. Et puis le côté respiration, tout ça, ça se travaille, il faut se caler. Et tu bouges un petit peu dans l'appareil. Ah oui, il faut absolument. Moi, j'ai vu un jeune une fois qui est venu me demander, mais il me dit comment ça se fait que je coupe mes avions. Je lui ai expliqué, je lui dis un petit peu avant, un petit peu après. Non, mais voilà, j'ai dit ton avion, faut le suivre. J'ai dit à partir du moment où tu le prends dans ton objectif, tu le suis, et puis il faut déclencher en même temps. Il faut pas t'arrêter pour déclencher. Si tu t'arrêtes, l'avion lui continue. Et ça, tu le fais en spécial ou tu le fais en rafale? Je vais te paraître spécifique, mais moi je ne travaille jamais en rafale. D'accord. Déjà, il y en a beaucoup qui le font en rafale. Mais oui, parce que les gars, ils vont taper 3 images secondes, ils vont taper 80 photos en quelques secondes. Ah, ouais. Sauf que ils peuvent se le permettre avec le numérique. Ah, on ne pouvait pas se le permettre. Ça, c'est l'école à l'ancienne. Et, ouais. Et moi, je vois personnellement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, je préfère taper, par exemple, un A4SOM, j'en ai fait un quand même ce matin, là. Il est arrivé, j'ai fait 3 photos, ça me suffit. L'avion est calé, l'avion est propre, etc. Tu viens à l'école de l'Argentique, donc, quand t'étais en Argentique. En Argentique, avec le 24-36, avec des péloges 12, 24-36, tu es obligé de sélectionner, de faire ce que tu faisais. Bah, disons que l'Argentique, on avait la découverte de nos erreurs au développement. Bah, oui. La différence, elle est là. Hein, on développait la cuvette. Bah, maintenant, c'est le consommable. Tu passes 3 heures sur ton écran à sélectionner. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On passe plus de temps sur l'ordinateur maintenant que sur l'appareil photo. Donc on est passé à l'envers du décor, en fait, hein. On fait le contraire. Voilà. Donc tu nous livrais, en fait, que tu travaillais un petit peu pour certains magazines et que tu leur faisais des photos. Tu as eu l'occasion de faire des photos d'intérieur, des photos. Oui, alors c'est pareil. J'ai un ami que je salue, s'il est derrière aussi, qui est spotter, qui fait Manuel Bellelli, qui est sur le côté de Limoges, qui est un passionné de radio aussi et surtout de photos, et qui fait pas mal, et lui travaille beaucoup sur les magazines nationaux, internationaux. Il a d'ailleurs son propre magazine photo. Je te donnerai l'adresse si tu veux. Mmh. Et voilà, il va chercher un petit peu le. Bon, on n'était pas sur le. On va pas parler de marque, hein, mais toi, tu es avec un liseré jaune et moi, je suis avec un liseré rouge. Tout à fait. Voilà. Hein, et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais là, c'est que les magazines, ces fonctions du sujet que tu leur apportes. Il faut que le sujet cogne, il fasse vendre, quoi. Enfin, c'est important. Voilà. Thierry, l'ingénieur français Joseph Niepce est connu comme l'inventeur de l'écriture par l'image, ou plus précisément la photographie, qui est un art qui est classé en 8e art, qui nous ouvre bien des domaines de cadrage. Si je te dis Jean-Pierre Perrier, Daniel Angeli, est-ce que je me rapproche de notre volet suivant? Ah bah oui, c'est un volet pour moi actuellement d'actualité. D'actualité. Donc, alors, dis-nous tout. Alors j'ai eu la chance. On va passer par le départ. Un jour, donc étant correspondant à la République du Centre, j'avais fait des courriers pour rencontrer Madeleine Sologne, qui était une grande comédienne qui avait joué le Pullover Rouge avec Jean Marais. Et j'avais eu la chance d'accompagner le journaliste à Ménestron-en-Villette où elle habitait un manoir. Et j'avais réalisé quelques portraits qui avaient fait un article sur elle dans la République du Centre. Et donc nous avons correspondu avec Madeleine pendant pas mal de temps. Et au bout d'un moment, la République du Centre avait besoin d'articles sur elle. Et quand ils l'ont appelée, ils ont dit « Moi, je veux bien vous fassiez un article sur moi, mais je veux absolument Thierry. Je veux pas d'autres photographes. » Donc, de là, on s'est lié une amitié. On a continué à travailler ensemble. Et puis, Madeleine nous a quittés, malheureusement. Ça a été ce qui a été un peu le déclencheur de la suite. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis après de pouvoir continuer à dire « Je veux rencontrer des célébrités et pouvoir les approcher et en même temps les immortaliser en images, quoi, donc les mettre en photo, et donc voilà, et là dont est venue ma passion encore actuelle, donc avec l'aviation, qui sont mes deux sujets de prédilection. D'accord. Tu vois, je t'écoute, puis en même temps, je suis en train de prendre quelques souvenirs de ce magnifique album photo qui est fait par il est fait par qui d'abord? Par moi. Pas moi, oui, ben comme je vous ai dit tout à l'heure, suite à ma formation sur Internet, je travaille avec un site sur Internet, donc, mais c'est un site qui est super parce que ça permet de faire des livres en numérique, mais seulement de le concevoir soi-même ou par eux. Mais moi, je préfère le concevoir moi-même, ma mise en page moi-même. Je connais un petit peu je sais pas si c'est le même, on va pas le citer, mais je connais un petit peu je crois qu'il doit y avoir le nom dessus. Je vais regarder après. Je connais un petit peu le système et c'est énormément de travail. Tout à fait. Après, bon, tu travailles avec un photographe qui sait travailler les images. Dans les images, Thierry, tiens, parlons-en un petit peu. Est-ce que tu retouches? Est-ce que tu... Alors. Oui, moi j'utilise. Je suis pas un fervent de shop photo parce que pour moi c'est une usine à gaz. Je travaille avec un petit site logiciel qui s'appelle Picasa, qui est un site très simple et qui me permet de rattraper, de retoucher certaines images, mais pas grossièrement, quoi. Je veux dire, je transforme pas complètement mes images. Je les modifie, c'est tout. J'apporte du contraste, j'apporte du cadrage, du contraste, mais pas tant de choses que ça. Après, je peux basculer en noir et blanc quand je veux basculer une image en noir et blanc. Oui, voilà, etc. Mais ça s'arrête là. Je vais pas plus loin. Après, quand je fais du portrait, je peux mettre un halo de lumière sur les côtés pour accentuer l'image, pour la mettre plus en valeur. Des choses comme ça. Aussi. Du floutage, on peut faire pas mal de choses. Oui, ça c'est pas de la création. C'est pas ce qu'on voit sur Insta ou voilà. Sur là t'es encore dans le côté cuisine, on va dire. Tu as une recette, la photo, et pour cette photo, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit vendable ou qu'elle soit mangeable, mais du moins vendable pour toi, tu vas aller retoucher un petit peu le sel, le poivre, le côté paprika. Voilà, c'est pas vraiment de la création d'image comme la cuisine. C'est un petit peu de la, oui, c'est de la cuisine. Pour moi, c'est pas de la retouche photo. Après flouter tout ça, ouais, ça peut. Après, c'est pas évident. Après, ça dépend si tu fais en premier rideau ou en deuxième rideau ta photo. C'est-à-dire, en premier rideau, tu prends l'objet qui est devant net et celui qui est derrière flou, ou celui qui est devant en flou et celui qui est derrière net en deuxième rideau. Mais là, c'est un petit peu autre chose. On est bien obligé. On peut pas, même si on rentre tous les paramètres, on peut toujours avoir des choses que l'œil n'a pas vues, ce que j'appelle aussi de la pollution visuelle. Moi, j'ai fait des photos de reportage, des panneaux de sens interdits, des trucs, des câbles, des machins. On peut choisir l'angle, et tout ça, on aura toujours quelque chose. Donc voilà. Après, il y a le côté retouche. On peut les enlever, hein. Oui, le côté retouche. Justement, moi, quand j'ai par exemple un élément important qui me gêne, Joël, comme je bascule mes images, je me les enlève. Tu vois, mais si quelquefois je trouve que ça pas d'opportunité, je les laisse. Tu m'excuseras, mais je suis en train de feuilleter. Oui, c'est exactement ce que je pensais, Joël. C'est bien celui-là que je connais. Ah. J'ai vu le nom. Je travaille avec eux, d'ailleurs. Et là, je suis en train de tourner les pages. Vous pouvez pas aller voir, chers auditeurs, auditrices, sur Arc-en-Ciel, mais moi, je suis en train de regarder un petit peu son travail. C'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Je te remercie beaucoup, surtout avec ce site, c'est assez compliqué. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Faut trouver tout ce qui va avec. C'est pour ça que je veux le créer moi-même. Eux, ils peuvent le faire à la maison. Oui, mais d'ailleurs, c'est pas le même prix. Et en plus de ça, des fois, on est déçus. Voilà. Parce que la qualité est. Parce que là, t'as un album. Ça, c'est ton album à toi ou tu le vends, celui-là? On aimerait bien le vendre. On aimerait bien le vendre, mais c'est compliqué. On a fait d'autres choses pour l'aviation. On en vend quelques-uns sur d'autres domaines. Mais c'est pas. On a vendu, car par exemple, je te fais juste une parenthèse, on a vendu quand même une dizaine de livres au moulin de Danbois, le moulin de Claude François, où la boutique nous a acheté 10 livres. D'accord. Ouais, là, on a fait un reportage photo sur les 45 ans du décès de Claude François. Et par rapport à ça, j'ai fait un livre qui a été mis en boutique là-bas, au moulin directement. Ouais, là, je vois Guy Montagnier, Anne Sinclair, Michel Decker. Michel Decker. Oui. Chapat. Ouais. C'est un plaisir de travailler avec un photographe. Jean-Pierre Pernaud. Il fait des belles photos. On sait. On s'est croisé au théâtre, on s'est croisé un petit peu. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que le livre permet d'avoir un échantillon complet de pas mal de personnalités. Et il n'y a pas tout le monde, parce que j'ai des centaines et des centaines. J'ai même eu l'occasion de photographier la cousine de la reine d'Angleterre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Guy Les Bons Tuyaux du film du feuilleton Starsky Hutch. Tu vois, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens aussi intéressants qui ne sont pas dans ce livre, mais qu'on pourrait faire un deuxième volume, hein, avec d'autres bien photos, sûr, hein, d'autres bien images. Sûr. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir faire. De pas pouvoir avoir ça. Après, c'est un travail qui est un petit peu perso. Vendre ce travail-là, c'est un petit peu. Mais je sais que tu peux faire des expos. On en parlera tout à l'heure. Et vendre tes clichés sur l'expo. Donc oui, tout à l'heure, je parlais de Monsieur Niepce Joseph, oui, l'ingénieur inventeur de l'écriture par l'image, et donc de Jean-Marie Perrier, de Daniel Angeli. Jean-Marie Perrier, on peut donner aux auditeurs et auditrices qui ne le connaissent pas, dire un petit peu qui c'est. Je pense que tu es aussi bien placé que moi pour le dire, mais je te laisse le dire. Alors, il faut se méfier parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dit sur lui. Oui, en fait, on dit qu'il était moi aussi, le fils de, bon, d'Henri Salvador, etc. Mais bon, moi j'adore, c'est un homme de photographie déjà, à la main, c'est lui qui a l'origine de... C'est lui qui est à l'origine de la fameuse photo de Salut les copains. Oui, tout à fait. Avec toutes les stars en photo et Monsieur Johnny Hallyday qui ne voulait pas être avec tout le monde Jean-Marie qui a trouvé l'astuce du petit escabeau, de la petite échelle, pour qu'il soit un petit peu au-dessus des autres. Mais ça a été pareil une formidable rencontre. Et puis tu parlais de Daniel Angeli que j'ai eu la chance de rencontrer il y a pas très très très longtemps parce qu'il est venu. Tu nous diras qui c'est par la suite. Je peux te le dire maintenant. Qu'on reste dans les photographes, comme Jean-Marie Perrier est un photographe des années 60. 60. Daniel Angeli a été pendant 16 ans, on va arrondir à 20 ans parce qu'il arrondit toujours lui, mais puisqu'il est venu à la maison, on a eu le temps d'en discuter. Il est venu manger à la maison d'ailleurs. Il est venu manger à la maison et c'est le photographe de Johnny Hallyday. Alors, c'était Johnny Hallyday. Et pour la petite histoire, je pense qu'il avait une tâche au début qui n'était pas appréciée des vedettes. Parce qu'il était paparazzi. Et c'est par le biais de son bagou et de la qualité de ses images qu'il a réussi à. Alors, Johnny, non, en fait, il a demandé un rendez-vous. Mais il m'a raconté Johnny. Il a demandé un rendez-vous à Johnny. Johnny lui a refusé et en fait comme il était avec sa femme, il discutait avec la Laetitia et ils se sont échangés leur téléphone et le lendemain matin il m'a dit dès que je me suis levé, j'ai eu un coup de téléphone, c'était Johnny. Il me dit Johnny, moi je pars aux États-Unis aujourd'hui, si tu veux tu viens avec moi, tu m'accompagnes. Et puis ils sont restés 20 ans ensemble. Il a fait ses anniversaires à Los Angeles. Il a fait plein de trucs. D'ailleurs, ce qu'il lui expliquait, c'est que Johnny était libre aux États-Unis, était tranquille parce qu'il pouvait circuler. Voilà, il n'était pas connu. Qu'en France, il ne pouvait pas se passer. C'est pour ça souvent que les stars, les vedettes s'exilent dans des pays où ils ne sont pas sollicités, toutes les coins de rue. Moi, j'ai fait un petit peu de. Tu le sais, j'ai fait pas mal de photos politiques. Ils ont. Peu importe, hein, c'est pas la couleur qui est importante de la personne qui est prise, c'est que toutes ces personnes-là sont des humains, ils ont tous leur avantages, leurs inconvénients, mais avant tout ce sont des humains et alors je vais pas cracher sur les paparazzi parce que ces dames dans les salons de coiffure, on aurait plus de photos dans Gala, Voici et tout ça, et puis mais c'est un petit peu dommage de voler un petit peu le côté privé de la personne. Enfin moi je le vois comme ça. J'ai eu l'occasion, j'ai rencontré du monde, j'ai eu l'occasion, je dirais pas qui, mais peut-être un jour, ou alors lisez mon livre. Parce que j'ai écrit un livre sur ma passion photo et je vais juste le dire, c'est l'objectif sur la route. L'objectif toujours en bandoulière. Voilà, où je raconte un petit peu les derrière de la photo. Je donne pas de conseils techniques, tout ça, mais je raconte un petit peu mon approche et les différents sujets que j'ai traités. L'animalier, le côté, les rodéos, et puis les personnalités, Tour de France, enfin bref. Puis mais ce côté de voyeurisme et de prendre, je sais pas, moi j'ai fait des photos de personnes politiques où ils étaient pas dans un, ils étaient soit dans un excès de colère ou ça, les photos elles sont claquées, elles sont prises, elles sont dans l'objectif, mais je l'ai jamais, il y en a certaines que j'ai détruites carrément, et des trucs de colère, voilà, et j'ai d'ailleurs un homme politique qui m'a sauvé la mise une fois, c'est que il allait faire un meeting. Tu sais comment ça se passe, ils avancent, nous on est devant, on recule. Alors des fois on est de biais ou des fois on est carrément de dos face à la route, enfin de dos avec les. Et j'avais pas vu derrière, il y avait un gros plot en béton, c'était à Montargis. Et j'avais pas vu ce plot en béton et moi j'y allais avec mon dos droit devant et j'allais me prendre une. Et à un moment donné, j'ai la personne politique qui m'a mal pagué. Et il m'a dit attention, et bon, sinon j'allais le prendre, quoi. C'était catastrophe. Un métier dangereux, hein. Ouais. Comme un jour avec un certain présentateur comment il s'appelle Ah, j'ai plus son nom. J'étais devant lui, il était à Lorillet en même temps. Il remplaçait à l'époque Jean-Pierre Pernaut. Et il est toujours un petit peu à la télé. Et il est en même temps amateur de Bordeaux. Et lors d'un de mes reportages en confrérie, parce que j'ai beaucoup travaillé en confrérie, il était là et il venait présenter un petit peu ses vins et tout ça. Et à un moment donné, j'avais qu'un boîtier ce jour-là. Et en voulant changer ma focale, pour passer d'un short à un plat, j'ai mal enclenché, tu sais, dans le... Et en voulant prendre la photo, mon objectif, donc en fait, t'as eu l'ouverture, hein, sur là où il y a les miroirs, et il a roulé vers ses pieds, il m'a regardé, il a rigolé, bah, moi j'étais pas tellement fier, puis il m'a dit, photographe, c'est un métier. En rigolant, il me dit, prends pas ça mal. Je suis non, je l'ai pas mal pris, ça va prendre la prochaine fois. Mais on était tellement dans l'excitation, dans le côté, et c'est là que je dis que des fois, avoir deux boîtiers, c'est pas plus mal parce que ça évite bien des problèmes, dont celui-ci. Je peux te raconter vite fait une anecdote. Il m'est arrivé deux choses. Moi, en Argentique, c'est travailler avec Serge Blanco sur un podium pour une banque, je ne citerai pas le nom. Et il était là et on devait faire une série de photos avec le ballon. Je fais mes 36 poses et il n'y avait pas de pellicule dans l'appareil. Ah oui, ça peut arriver. On était obligé de recommencer la série. Et en numérique, ça m'est arrivé. Il y a Joël rigolait voilà. Parce que donc, de faire un avion sans carte. Le temps passe très vite. Oui, vas-y. Il était déjà oui, ça va très vite. Moins 20. Donc tu nous prépares quoi là pour. Alors, c'est un peu le. C'est un petit peu le but. Voilà, c'est un peu le but que je venais te rencontrer, c'est que donc nous préparons actuellement une énorme exposition qui va avoir lieu à la médiathèque de Châteaudun, donc qui sera inaugurée le samedi 21 février, avec le matin la présentation de l'exposition que nous aurons exposée, que nous aurons montée avec Joël la veille, et l'après-midi donc de ce 21 vers 15h à la médiathèque de Châteaudun toujours, je ferai une conférence sur mon travail, chose que je viens de t'expliquer, mais là je l'expliquerai un petit peu plus en détail devant des gens. Voilà. Donc chose que j'ai déjà faite. Tu dis déjà devant de moi, c'est pas mal. On a plein d'auditeurs sur le 96. C'est pour ça que je parle à ça, parce que on voudrait que les gens viennent voir. Rencontrer quelqu'un qui connaît ce milieu et puis leur en parler. Puis les artistes, ça plaît, donc ça peut toujours être intéressant de venir voir des différents portraits. Nous avons fait des invitations. Et puis, alors par contre, je le précise quand même à l'antenne, il faut savoir que la médiathèque ne contient, pour des raisons de sécurité, 100 places. D'accord. Donc on pourra pas, on espère avoir, si on a les 100, on sera heureux, mais si on peut pas, si on est obligé de refuser du monde, ça prouvera que on aura réussi notre pari, quoi. Donc, d'accord. Voilà, ouais, non mais je t'écoute. Hein, je travaille en même temps. T'inquiète pas, je te parle en même temps. Donc, tout à fait. Hein. Je voudrais juste dire un tout petit dernier mot pour moi concernant Daniel Angeli, que je remercie énormément parce que pour le travail de mon livre dessus, il a quand même fait une belle dédicace. Qui me dit que les photos et le livre sont superbes. Et pour moi, c'est un grand honneur. C'est un compliment. C'est vraiment un compliment. Moi, le meilleur compliment que je puisse avoir eu avec la photo, j'en ai eu pas mal, mais c'est un président de la République, donc je tairai le nom, sinon je vais m'attirer des... pas des ennuis, mais voilà, pas que des copains, et qui ne m'a pas payé mes photos. Mais par contre, il m'a envoyé une invitation pour le prendre personnellement sur son retour quand il est revenu un peu plus loin. J'ai été appelé par la préfecture à l'époque et j'ai été assigné donc en tant que photographe deuxième rideau, pas photographe presse direct, mais en deuxième rideau, et il m'a reconnu et on a discuté un petit peu. Pour moi, ça a été un grand moment. Oui, il y a des rencontres comme ça. Ouais, rencontres, moi, ouais. Ma meilleure rencontre, ça a été pareil, 1h30 avec Charles Aznavour. Ça a été vraiment, pour moi, c'était un international, c'était un grand voilà, monsieur de la chanson. Et voilà, qui a fait beaucoup de choses, un énorme compositeur, quelqu'un de vraiment passionnant. Pour préparer cette exposition, vu le nombre de photos que tu as là sur l'album et que je sais que tu as chez toi, c'est combien de temps de préparation? C'est comment tu prépares? Comment tu sélectionnes? Alors la sélection, on l'a fait tous les deux. Sauf que, alors on a un dilemme parce que dans cette exposition, il y aura beaucoup plus de photos d'hommes que de femmes. Et la parité alors? Mais oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais le problème, il est que c'est au-delà des rencontres. Hein. C'est bien sûr. J'ai photographié des gens. Alors, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais il y a beaucoup de gens. C'est sur des salons, c'est sur rendez-vous avec les agents. Il faut. Ouais, c'est pas facile. Il y a tout ça. Il y a tout. Parce qu'on le sait pas. Mais si on le développait, c'est pire que le côté spotter. Le côté du showbiz. En plus, ces gens-là, ces stars, ils ont une image, ils ont une image de marque, ils ont une image de prestance, et là, c'est pas eux spécialement les points clés, c'est toutes les personnes qui sont autour, qui gravitent autour et qui veulent régencer un petit peu tout ça. Et c'est pas les plus faciles. C'est pas les plus faciles à toucher. Moi, j'en sais quelque chose au théâtre, hein, parce que j'ai travaillé pas mal de temps au théâtre. Et au théâtre, on avait beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que. Mais t'avais une personne qui s'appelle Jean-Luc qui avait toi de temps en temps. Ouais, Jean-Luc. Ouais, bah toi, tu le connais parce que aussi, j'ai vu qu'il avait fait quelque chose avec toi. On a travaillé un petit peu ensemble sur la. Et donc, si tu veux, on avait ce dilemme avec, comme tu dis toujours, les gens qui gravitent autour de ces stars ou de ces vedettes, parce que il fallait montrer pas de blanche, il fallait prouver qui on était. Et puis, alors que fois l'artiste entendait ça dans le couloir, c'est lui qui sortait. Moi, j'ai eu le cas avec Corinne Tuzet, qui jouait dans une femme d'honneur, qui a carrément viré son attaché de presse, et puis elle m'a donné un autre rendez-vous pour le lendemain, et puis j'ai pu faire. Elle l'a viré là sur le champ. Elle l'a viré en lui disant écarte-toi, elle m'a fait rentrer dans sa loge, on a discuté, je me suis présenté, je lui ai expliqué ce que je faisais. C'est souvent le problème de ces gens. Il en faut des agents, mais c'est un petit peu le côté parasite, enfin pas parasite, mais ils veulent protéger, des fois ils veulent trop protéger, c'est pas, en plus c'est souvent les stars sont beaucoup plus accessibles, suivant le contexte. Moi j'ai fait de la photo de scène, pas la photo de concert, mais j'ai vu par exemple Wanda Jackson, elle est un petit peu sur la fin, on va dire, de son âge, mais très abordable. On se comprenait pas parce qu'elle parlait anglais et moi pas du tout, très peu. J'en ai rencontré aussi, mais j'ai rencontré Vas-y, oui, il y avait un des jazzmen ce jour-là qui était là, qui a joué avec les plus grands saxos. Il y en avait plein. Ces gens, ils sont abordables, ils mangent de la même manière que nous, ils font tout pareil que nous, ou presque, pas avec les mêmes moyens, et le problème, c'est, genre, je ne crache pas sur le métier d'agent, loin de là, hein, d'impresario ou autre, mais c'est quand même des barrières, et des fois, après... Maintenant, avec tout ce qui est smartphone, tout ce qui est l'approche et tout ça, c'est tellement compliqué. C'est un petit peu ce qui m'a, je vais pas dire dégoûté, mais qui m'a un petit peu bloqué au niveau de la photo. J'ai un smartphone, je suis photographe, quoi. Ouais, voilà. Je suis bouché. Tu le développes dans ton dossier, je crois qu'on va y venir. Oui. J'ai préparé un truc là-dessus parce Il nous reste, pour le côté, tu as fait un petit peu ta promotion de ce que tu voulais ou on a des collègues qui vont j'ai deux contacts la semaine prochaine avec deux autres radios qui m'ont contacté. Des collègues régionaux tout à fait. Et puis les médias aussi, mais on les a contactés par mail. Une qui est en centre-ville, l'autre qui est en Bosse, là-bas, d'Artenay. Bien, il faut ouvrir le micro un petit peu à tout le monde. Et donc, ta préparation, ta sélection, après, il faut préparer les cadres, Tout est fait, on a fait ce qu'on appelle tout dans le même format. Tout dans le même format, c'est du Dibon. T'as fait ça sur Dibon. On fait tout sur Dibon. Moi, je finis le cadre vert avec la photo. Le cadre vert, ça se casse et tout ça. Le Dibon, C'est une photo qui est plaquée sur de l'aluminium de 3 mm. Voilà. Et c'est magnifique. Moi, je travaille avec un fournisseur qui fait du boulot. En plus, ils ont changé la machine. C'est extraordinaire. Alors, le seul défaut. Le prix n'est pas le même. Alors, ça dépend. Parce que moi, Mais on peut avoir des prix relativement intéressants sur de la quantité. Après, c'est un petit peu fragile au niveau des angles. Alors voilà, c'est fragile. Il faut pas que ça chute. Il faut surtout pas comme j'ai eu le cas sur une exposition actuellement à l'aéroport où la femme de ménage a mis du produit sur les photos. Donc pour les nettoyer, pour enlever la poussière. Les photos sont mortes. Moi j'ai une super photo de la cathédrale, enfin de l'endroit de la cathédrale. Je l'avais exposée et pendant l'exposition, j'ai pris un, je sais pas si un coup de cutter ou quoi, mais j'ai une belle rayure. Et là. On a exposé, alors je te dirai pas d'où parce que c'est de la publicité, mais un lieu et la personne qui nous avait pris avait anticipé le démontage et en démontant avec les crochets, elle nous a rayé une dizaine de Dibons. C'est pour ça que maintenant je propose, on a une assurance pour en cas de dégradation des images parce que ça coûte de l'argent. Voilà. On en est dans notre dernière ligne droite. T'as vu, ça passe vite quand même. Avec des passionnés comme tu l'es, Thierry, tu vois, j'avais prévu 15h40, il est 15h50. Thierry, le monde de la photo évolue à une vitesse grand V. Comment vois-tu cette évolution qui est passée de l'argentique au numérique? Alors, je t'en parle parce que c'est un truc. Alors moi, je suis un petit peu actuellement, je fais des bonds de 10 mètres sur Facebook parce que tout le monde s'improvise photographe alors que c'est un métier. Et moi, j'en ai marre de voir des gens qui proposent. Et quand je vois leur travail sur Facebook, je suis méchant, hein, mais je suis réaliste parce que c'est pas bon du tout. Moi, je leur ai dit que la photo, ça s'acquiert. Il faut faire des écoles, il faut faire des clubs photo. Il faut montrer ce qu'on sait faire. Faut montrer et puis trouver, pas faire n'importe quoi. Ouais, mais c'est le sujet que je voulais dire aussi. C'est voilà. Un petit peu ce qui m'a agacé. Ça bouffe un petit peu le métier. Et voilà, il faut tout se respecte. Après, on peut pas enlever l'évolution. Moi, sur le côté de reportage, la photo de concert, il y a des très belles photos de concert. Moi, j'ai vu lors des Miss France il y a quelques années à Orléans, j'ai été accrédité à une certaine portion pour faire certaines photos. J'avais alors non pas par le comité Miss France, mais par les gens de l'organisation de la ville d'Orléans, interdiction de faire telle photo, d'accord, de les publier. Par contre, moi, j'ai vu des publications de photos de ces dames, ces demoiselles sur les réseaux Facebook où on voyait des anomalies, on voyait des choses irrespectueuses, je vais pas aller dans les détails, prises par le restaurateur, prises par le clac-clac vite fait, pas cadré, pas de respect, pas de demande, et balancées par 500 sur Facebook. Elles sont venues dans mon restaurant, clac-clac-clac-clac-clac, photo, alors que ça représentait tout ce qui nous était interdit, nous, en tant que photographes, et les photos, elles sont diffusées tout de suite. Même certaines de mes photos reprises, recadrées, resignées à la place de quelqu'un d'autre. Enfin, à ma place, je veux dire. Donc l'évolution du numérique, il est là. C'est que maintenant, je jette. Dans les concerts, tu vois quand tu vois un concert, on en fait souvent. La dernière fois que j'ai fait un concert, on était deux photographes accrédités et le reste c'était les gens dans la foule. L'accréditation de concert dans la fosse. Mais là, moi j'arrive à avoir maintenant des accréditations pendant tout le concert. Ce qui me permet de faire beaucoup d'images et puis de trier après. C'est mais des fois dans le concert, c'était dans la zone et t'as droit à trois premières photos. Avec Kenji Girard, c'est ce qui s'est produit. Voilà. J'ai fait trois chansons, on m'a viré. Que penses-tu de la photo? Justement, on a parlé en veux-tu en voilà sur les réseaux sociaux. C'est fait. On a dit on prend, on like, on jette, next. Et que penses-tu donc, toujours dans les réseaux sociaux, de cette course à la retouche, filter ou selfie à gogo? C'est ça maintenant. Pas que sur Facebook, mais on peut le voir lors de reportages ou autres, on est accrédité, quand on est payé pour quelque chose et que les gens viennent se mettre devant vous et vous prennent des photos. Je te fais un exemple. C'est mon coup de bouche. Pourquoi j'ai arrêté tout ce qu'on appelle, parce que avant j'étais ce qu'on appelle photographe généraliste, je faisais tout, comme j'étais installé, on a arrêté les mariages, parce que les mariages, les gens, ils venaient, ils faisaient la photo de petits groupes devant toi, tu plaçais les gens, et le gars venait te voir et te disait: monsieur, ce soir je n'achèterai pas la photo, je l'ai sur mon portable. Moi j'appelais ça mes assistants à l'époque, en confrérie ou autre. Ils savent que nous on est professionnels amateurs, passionnés et reconnus, demandés, on est payés pour faire le travail, ils savent qu'on va se mettre dans les angles où il faut. Donc pour la remise de l'alliance et tout ça, il y a certains cadres à faire, positionnement de main pour bien qu'on voie, pas cacher tout ça, et ils se mettent avec vous et ils vous poussent et vous retrouvez repoussé. C'est la famille, on peut pas trop famille invitée, on peut pas trop repousser. Ou alors quand on fait les photos de mariage, tonton, tati, tout ça, avec ton pied ou à la main, là tu passes les gens et puis on te dit quand vous aurez fini, vous pourrez prendre les photos avec mon smartphone. Non, je suis désolé, mais moi, j'ai des mains en pâte à modeler. Ces appareils, en général, je les fais tomber. Ah, puis t'es prestataire du voilà. Sujet. C'est des photos qu'on vend pas, et tout ça, ça met un petit peu... certaines personnes un petit peu âgées. Moi, j'ai vu en reportage, pendant les fêtes de Jeanne d'Arc, être accrédité et être dans le défilé, et prendre l'appareil d'une personne qui regardait, clac-clac, prendre la photo de là où je suis et redonner l'appareil. Tu vois, bon, ça c'est des choses, mais en vrai. Dans des méconnaissances, que penses-tu des méconnaissances du code du CPI, du code de la propriété intellectuelle, le droit à l'image et de son image? Alors moi je suis pareil, je suis fâché, enfin je suis pas... T'es en colère. Je suis en colère, sur la fin de notre reportage, je suis un peu, c'est des questions qu'il faut pas me parler parce que je me suis fait voler des images. Je me suis fait voler des images à la Foire Expo d'Orléans, entre autres, j'ai retrouvé une image à moi sur un stand, et le type m'avait même pas demandé l'autorisation, il avait coupé mon nom sur la photo, etc. Donc il arrive à moi, mais actuellement tu peux te faire... C'est pour ça, toi, moi j'ai pas de site, j'ai rien, je te le dis, Je me suis ce moment aux auditeurs. Des photos je, sur, voilà, je n'ai rien parce sur que sur le site recadré, ouais. Voilà, par des grosses firmes, hein, je ne sais pas le nom. Bon, après j'ai attaqué un petit peu sans aller avec un avocat. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une personne que je voudrais citer. Je ne sais pas si elle a l'antenne, mais qui s'appelle Joëlle Verbrugge, qui est photographe non seulement professionnelle, mais elle est avocate professionnelle au barreau de Bayonne et c'est la spécialiste du droit photo. J'ai deux de ses bouquins, je l'ai rencontrée. Elle a d'ailleurs signé mon livre avec Nathalie Simon et elle m'a fait un super avant-propos sur la photo et c'est la personne vraiment de conseil dans le côté droit photo. Il nous reste 3 minutes, on va parler des choses qui vexent un petit peu, enfin qui vexent plus ou moins, mais qui fâchent surtout en ce moment, c'est l'arrivée de notre ami l'intelligence artificielle, l'IA dans cet art. Bah pareil, hein, quand tu vois des photos sur Facebook ou là, Facebook. Ouais, attends, bah, ils vont nous mettre un procès. Ne parle pas que de Facebook. Il y a pas Facebook. Il y a Instagram. Il y a Snapchat. Les réseaux sociaux en général. Mais quand tu vois des images, moi qui fais du portrait féminin, entre autres, qui fait partie de mes photos de portrait, quand je vois qu'on transforme les gens avec des images, comme tu dis, avec l'IA, on fait ce que l'on veut. Donc bientôt ça sera une autre idée, mais déjà qu'on transformait déjà des images sur les magazines, mais des magazines féminins où on transformait des femmes qui ont 5 doigts, des couvertures avec des formes volumineuses, etc. Après c'est l'évolution, c'est la fin de certains métiers, comme je l'écoutais en venant à la radio tout à l'heure, c'est la fin de certains métiers, c'est la naissance de nouveaux métiers, mais c'est quand même, enfin, on avait perdu le numérique à l'époque de l'argentique. Ça va tout nous bouffer. Effectivement, ça en a bouffé une partie. Après, on a eu peur des smartphones qui ont remplacé les appareils, les réflexes et autres appareils photo. D'ailleurs, on voit pour ainsi dire plus de magasins de photos en ville. À Orléans, il en reste un. Dans la rue Jeanne d'Arc, tous nos collègues qui étaient passionnés, qui étaient du côté de la cathédrale, du côté de la place Cheval Rouge et tout ça, on les voit plus. Ils ont fermé boutique. Puis maintenant, c'est la facilité à tout avec le. Alors c'est l'évolution. Il faut faire avec. Moi, je sais que ça m'a. Heureusement que pour moi personnellement, la retraite est arrivée à ce moment-là. Parce que je ne pouvais plus en vivre, ça devenait très très très très difficile. Ah bah oui. Ça devenait compliqué. Thierry, on est au bout de la piste. On va être obligé de refermer l'album. Hein, avec grand plaisir de t'avoir reçu. J'espère que les auditeurs et les auditrices d'Arc-en-Ciel ont passé un agréable moment avec Thierry Scholl, photographe émérite sur différents sujets. Joël, sa compagne, sa concubine qui l'aide et qui le pilote. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on se quitte avec une chanson placer deux choses importantes, venez nombreux le 21. Alors c'est où déjà? Médiathèque de Châteaudun. Ça fait loin, c'est très facile à trouver. C'est fait loin. Non, mais quand on aime, c'est une balade. En plus, l'exposition va durer en gros 3 semaines. Je crois jusqu'au 4 mars. Ouais. Donc et après, il y a d'autres propositions qui viennent de m'être faites que j'en parle pas là. Parce que tant que c'est pas officialisé, Et puis ce qui est important. Merci à toi. Merci à Radio Arc-en-Ciel, parce que je pense que il faut le dire, c'est tellement rare, tellement plaisant dur. De tu vois, il y a 30 ans, on n'aurait pas su que ça aujourd'hui. Oui, on a envoyé la balle et voilà, ça nous a fait remonter des souvenirs. Ça m'a fait énormément plaisir. Pas que des mauvais, hein. Ça m'a fait énormément plaisir. Et avancer, donc, moi, je te remercie aussi ainsi que Joël de votre venue, de votre plaisir. On aura l'occasion d'en discuter, voire éventuellement un jour de refaire une émission. Donc ça, toi, c'est au mois de... je vais y arriver, hein. C'est le mois prochain. Côté de Châteaudun pour ton expo, puis un super livre. Le 21, autant pour moi. J'étais dans une autre recherche, mais le 21, moi, je te l'ai dit en off que... Je risque de ne pas pouvoir venir le 21 parce que le 21 au soir, je suis avec Mavrika à l'auditorium et on prépare un concert avec deux groupes orléanais. Et donc Sim Camille et le groupe, le duo Recto Verso. Donc ça va être short. Je vais tenter. On est tous bousculés. Ben après, voilà, tu peux venir voilà, pendant les trois semaines. Hein, oui, à s'accorder. Moi, j'y vais. Tu viens. On se rencontre là-bas. Oui, bien sûr. Ouais. Mais j'aurais bien voulu assister à ta conférence. Mais voilà. Oui, parce que dans la conférence, il parlera des artistes. Et avec chaque artiste, il y a une petite histoire. Ben oui, je m'en doute bien. Voilà. C'est pour ça qu'il aurait fallu plus de deux heures d'antenne. Et tu auras peut-être une surprise, mais ça sera la surprise. Ça sera la surprise pour les gens. Parce on la dira à la radio. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Châteaudun, le 21, à partir du 21 février, voilà. La médiathèque à Châteaudun. Châteaudun, inauguration le matin et conférence l'après-midi à 15h. Voilà, ok, bah c'est merci parfait. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, à très bientôt pour notre prochaine qui sera sûrement une spéciale radio-communication. Et ça sera sûrement moi qui serai sur le grill et qui vais vous faire ce que j'en ai déjà fait deux, des conférences sur l'histoire de la radio. Et j'aurai peut-être soit Mavrika au micro, ou soit je la ferai tout seul l'émission, et je vous parlerai de l'histoire de la radio. Tu avais quelque chose à rajouter? Joël, vas-y, annonce ce que Joël a le calendrier. Non, je disais simplement que Thierry s'est trompé, c'est pas juste au 5 mars, mais juste au 10 mars. D'accord, voilà, j'ai rallumé les micros, c'est jusqu'au 10 mars. Et ben voilà, donc à Châteaudun, à la médiathèque, du 21 février au 10 mars, on se retrouve là-haut. Bye bye Thierry, merci. Salut Didier, merci beaucoup à toi. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffit, puisque c'est ailleurs qui va mieux battre ton cœur, puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. on y est presque. Donc, monsieur Niclot, avec les prêtres orthodoxes.